from other Kyla. La pani person ka de con. Tête les femmes l'ont achapé. Sous pas valide foutre yo la pe. Mais y'a tes fesses sans l'air. Mais y'a tes fesses sans l'air. Les bougas chauds, les combats en fer. Pouf au chaud, dîner ça à l'aise. Kyla blé de bonbon. Les mix de DJ Sound font claquer le bifort sur 3 FM. Tijos Sound mix tes hits préférés sur Trace FM. It's about that time. What time is it? Allez, bon Dieu! Vite, on a qu'une fenêtre de tir de 30 secondes! On s'équipe, les gars! Appuie sur le bouton! Quel bouton? Quel bouton? Il y en a des millions de boutons! C'est parti! C'est nous! Vous êtes quoi, une bande de super-héros? Lui, c'est Yannick, notre chef qui n'a peur de rien. On les vanne, on les piège, il faut que ça saigne! Nessie, c'est la brute épaisse! Pourquoi? Pourquoi vous m'embêtez, les gars? Enfin... Bref, passons. Sabri, c'est un vrai génie. Et moi, c'est Ego, le double H élégant et irrésistible. Et mec, ça te dérange pas si on démarre l'émission? Bref, on est la génération 9-7. Lancement. Trace. Guadeloupe, Martinique, Guyane. Prends la parole dans la première libre antenne des Antilles Guyane. Bonsoir tout le monde. Salut les brasseurs. Hello. Une nouvelle semaine. Une nouvelle semaine démarre et donc ça devient une nouvelle sémarre. On contracte tout. Sémarre des mêmes. Ouais, j'étais en mode SMS. Ouais. Hashtag G97, hashtag Trace FM, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Bonsoir Sab. Salut Yannick. Bonsoir Yoshi. Bonsoir, bonsoir. Salut Tikam. Salut. Le stagiaire est toujours là. Oui. Pourtant, dans une jungle professionnelle où nous recevons des sollicitations tous les jours, il est encore là. Oui, la tenue. La pile de CV sur nos bureaux s'entasse. Faut croire qu'il fournit des prestations que les autres ne veulent pas fournir. Ça brille visiblement. J'en profite. On est Mister Hugo avec nous. Yo, ben bonsoir. Attention, l'homme le mieux coiffé de toute l'histoire. Ça y est. J'ai l'impression que tu passes tes après-midi devant la chaîne Telenovelas pour savoir comment être coiffé comme un acteur de Telenovelas. Mais tu n'es pas loin derrière moi, t'inquiète. Ah, si c'est derrière tout près de toi. C'est quoi, c'est un fantasme que tu exprimes à voir? Non. Il est sain de ton souffle, son manoir. Moi, j'avoue, je suis coiffé comme un footballeur à la retraite. J'avoue, ok. Mais toi, mec, on dirait le Lovers, tu sais. Aïe, toi vu, Felipe. Il y a mon corps qui bat pour toi. Il fait bien de Felipe, il est trop mignon. Ouais, il est incroyable. les magnétismes. Alors que le mec a surtout un bon coiffeur, hein, en fait. Hein. Le mec, il est pas franchement beau. Mais tu sais, avec le petit mélange, aïe, comment il est incroyable. Comment il fait monter mes sens partout des mététés qui pointent. Je sens qu'on veut me faire sortir avec tout le monde dans la telenovelas, mais il y avait sorti que vraiment avec Louis. Vraiment, vraiment. Oh, oh, oh, oh, c'est quoi ton problème, Rita Marley? Il a le même coiffeur. C'est quoi ton problème, Rita Marley? Vous avez le même coiffeur, je vous dis ça. C'est quoi? Tu as choisi ton camp, tu défends Hugo maintenant? Ok. Rita Marley est avec nous. Fois de sa vie, Nessie s'est sentie black, elle a fait une coiffure de black. On y va. Oh, yeah, man. I wanna get high. So high. So high. Et puis, aïe, aïe, aïe. Ça doit t'attirer en tête à haut, non? Ça tire un peu, non? Ça va, ça va. Yeah. I wanna get high. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les tresses sont fraîches. C'est frais. Attention, on a... comment ça s'appelle, tu sais, les braids. Non, non, comment ça s'appelle, tu sais, le moment, juste le milieu, tu sais, entre deux tresses. L'arrêt. Ouais, par exemple. Mais ça ressemble plus, tu sais, au truc comme il y a dans les champs de bananes. Oh, les sillons, ils sont tout frais, ils sont tout dessinés, ils sont incroyables. La meuf, on dirait, elle est en mode profilée, là, l'air rentre dans sa tête. Mais c'est un truc de dingue. Tu sais, Manzel est profilée en mode aérodynamique. Rita Marley, bonsoir. Tes cheveux ont poussé vite. Elle a fait des rajouts. Mais si. Oui. Ah, tu pensais que c'était mes cheveux. La tempête est passée, c'est bon. Bravo! Yeah! Merci à US Barbershop. Eh ben, tu es sponsorisé en plus? Bah, ben, oui. Ou pas payer rien! Ou gaba, publicité, pas mon! Eh ben, écoute, parfait! Je sais que tu aimes Yannick. Ouais. Si Yannick est fan, t'inquiète. Ouais, c'est pas mal. Ouais, moi j'aime bien tes cheveux. Dans un petit moment, il va te demander. Et c'est US Barbershop, c'est où encore? C'est... Tu rigoles, c'est là aussi que je me coupe les cheveux. Ouais. Donc, ah, bah, voilà, je sais. Bah, c'est bon, tu peux te faire raser la barbe et puis rajouter des. Non, j'aime bien la barbe. Eh ben, rajoute de la barbe. Ça fait de moi le plus viril de tous. C'est grâce à toi qu'ils m'ont fait la coiffure. Ah merde, alors. Sur ton compte. On démarre une nouvelle semaine ensemble. Merci d'être avec nous. C'est Génération 97 dans les tympans. Bon, au programme de la soirée, qu'est-ce qu'on a? On a du Hey Baby Allo. Yeah man. On appellera la marraine de Cécilia tout à l'heure. Yes, vous nous filez les numéros de téléphone, vous voulez qu'on appelle en direct. On a Mister, notre ami Kalash avec nous. On s'est vraiment vraiment habitué en plus à sa présence, hein. Kalash tous les soirs, machin, etc. Chaque fois qu'il part en week-end, bon, on va pas se mentir, hein, on passe pas le week-end ensemble. Mais de temps en temps, bah là, tu vois, nouvelle semaine, on est content de le retrouver. On lui demande comment ça s'est passé alors ton week-end. Samedi, un. On dirait qu'il a toujours le même programme. Hein. Ça, je dirais. C'est tellement sympa. Yes. Bon, ça va bien, Kalash, sinon? Yes, I. Ok, bon, bah tant mieux. 0820-203-200 également sur le net, www.trace.fm. T'as vu comment on a parlé de toi un peu sur le web ce week-end? J'ai trouvé ça dégoûtant. Et donc, est-ce que tu vas tweeter, poster, répondre à tout le monde ou est-ce que tu vas continuer à te défendre? Ok, ok. Et bon, d'accord, ok. Tu regrettes sinon de vivre ça? Le mec, il se fait un Hey Baby à lui-même, tu sais. Tout seul. Mais attends. À lui-même, tout seul, tu vois. Mais dis-moi, Kalash. Forcément, il n'y a pas de fumée sans feu si on te reproche ça. C'est que t'as fait quelque chose. C'est pas moi. Ça marche, putain. Et t'as souvent des conversations avec lui comme ça? Ouais, ben j'essaye de temps en temps. En attendant que vous arriviez dans l'émission, machin, etc. Son ami imaginaire. Allez, Kalash, à tout à l'heure, mec. Bref, tu veux dire bonsoir à Nessie? Nessie dit oui. Je pour lui. Bref, on fera du Hey Baby Allo ce soir, 0820-203-200. Est-ce qu'il y a des breaking news? Bien sûr. Nous parlerons de quoi dans les breaking news? On va parler du jeune homme de 17 ans qui a reçu une balle dans la tête. Ouais. De Kim Kardashian également et puis de l'ouragan Matthew. On va parler d'un accident également du côté de la Martinique qui a visiblement créé de gros remous. Et en ce moment même d'ailleurs, je sais pas si ça s'est libéré, si vous êtes en direct de la route, n'hésitez pas à nous remonter les informations parce que du coup il y a des gens qui en ont un peu ras-le-bol. Ça fait une heure et demie qu'ils sont bloqués dans les embouteillages. Je sais pas si c'est la même histoire, ça c'est du côté de Mada. Et puis on reviendra également sur Junior, le décès de Junior. Junior est un lamantin. Nous avions pour projet de repeupler la Guadeloupe de lamantins, cet animal qui avait drastiquement, totalement, sinon totalement disparu. J'ai failli te corriger en disant non, c'est un lamantinois, mais... J'avais pas compris que tu parlais de cet animal qui devait aider à reconstruire l'écosystème. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Bah, il y en a un des deux qui est mouru. Et mine de rien, il y a beaucoup de gens qui en parlent parce que ça coûte beaucoup d'argent de faire rentrer un lamantin, ouais, de réintroduire une espèce, et malheureusement il a pas supporté le voyage. Hashtag G97, hashtag TraceFM. Je crois qu'il y a d'autres trucs aussi. Il y a un truc qui a bien buzzé sur le web, c'est la maman qui corrige son fils là à la Réunion là. Ouais. Ah, c'était ouais, chaud avec une ceinture caporale. Ouais. Bon, c'est surtout, coup de trif, c'est hein, surtout que moi j'ai pas tout compris parce que c'est pas facile hein, quand même le créole réunionnais. Ah, miam à où 0820-230-200, on parle de tout ce que vous voulez, de tout ce que vous avez vu, de votre fil d'actualité. On en débat, on se détend, on délire, on sourit. Et puis des fois, ben, on est sérieux aussi. Hashtag G97, hashtag TraceFM. On jouera ce soir également, Hugo, avec des places de ciné. Oui, ça c'est pour La Pièce, le premier film du Watibé. Mais en fait, il y a un signal, il faut guetter le signal. Et dès que vous l'entendez, vous nous appelez, vous repartez avec vos places. La séance, ce sera mercredi 14. Finalement, c'est mercredi 14, c'est mercredi 12. Ouais, bon. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ouais, donc... il est trompé. La connasse qui attendait que quelqu'un fasse l'erreur. Il pose rien qu'à lever le doigt, jamais. Hein. Jamais. Le prof pose une question, elle lève pas le doigt. Mais par contre, lui, il a dit une connerie. Ça, alors, toi, les gens. Bref, Estelle, pour vous aider également à repérer le signal, c'est un extrait de la BO de La Pièce. Dès que vous entendez ce titre-là, avec un signal. Ça, c'est une manière de dire tu fais vite quoi pour composer le numéro de téléphone. 0820-203-200. Ça peut être aussi Linda, hein, à n'importe quel moment. On a des places de soirée aussi, je crois. On va rajouter aussi, on a des petites pochettes étanches là. Ouais, pour le smartphone. Tout à fait. Oui, ça c'est bien. Des petites pochettes, ouais. Parce tranquille. Que le mien, il peut encore être. Il paraît qu'ils en ont repêché environ 800, mais avec des téléphones dedans à la dernière Mercury Beach. Je dis ça, je dis rien. Je vends d'ailleurs à ce propos. Des téléphones. Seul endroit où les téléphones n'ont pas explosé. Ils étaient bien hydratés. Bref, on va se démarrer avec un petit Bambi faux bas mollet. Et puis hashtag G97, hashtag TraceFM. Ça veut pas dire exactement la même chose, non? Quoi? Faut pas moller et faut pas moller, c'est pas la même chose. Ah non, ouais. Parce que sinon, je lui réponds 19h10 aux Antilles, 20h10 aux Guyane. Ah bah, vite tété. 0820-203-200, allez, c'est une nouvelle semaine qui démarre. Il y aura aussi du cocoteur un petit peu plus tard. On a prévu du big quiz pour s'amuser, se détendre. Et puis surtout, ben, que vous vous racontiez. C'est quoi votre truc? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Votre story à vous ce week-end, c'était comment? Hashtag G97, hashtag TraceFM, à tout de suite. Bambera, de me, yao, de me. Pou ba mole la mou ka flaske mou girl. Mou ja save ki an nou ka round the world. Pou ba mole la mou ka flaske mou girl. Caribbean girl an nou ka lock the world. Fresh kota mazan pearl. Bad girl ka bayo mal de ditis. Ka mal pale men nou pies pon leye. E si yo disrespect kou ka represent girl. Yo e mone zan point, mo shape on point. Chak kote mou pase mou toujou on point. La mou bite ke mou gang ibiche on point. Caribbean girl an nou ka round the town. Chak kote mou pase mou toujou gang. Bambi, yo sa ki ka pete yo tete non-stop. Mou toujou ka vini ki de different sap. Chak san mou ka sorti ka baye different tap. Gan foki, pou ba mou lela mou ka flaske mou girl. Mou jwa save ki an nou ka round the world. Pou ba mou lela mou ka flaske mou girl. Caribbean girl an nou ka lock the world. Fresh, kota mazan pearl. Bad girl, ka bayo mal de DJs. Ka mal pale men nou pies pon leye. E si yo disrespect, mou ka represent girl. Mou ka bon yo bien le bon dancer. Tout moun y pou dans nos cabas, nous cas amusé, il va j'ai un pièce job. Dans nos rivières, une côté, il va j'ai un pièce flop. Nous cas prend yo bien les bandes à sol. Full money pour l'opot dans nos cabas, nous cas amusé, il va j'ai un pièce job. Dans nos rivières, une côté, il va j'ai un pièce flop. Pour bas moller la mouka flasque et mon girl. Pour j'en savais qu'il y a nos car around the world. Pour bas moller la mouka flasque et mon girl. Caribbean girl, à nos car like the world. Fresh, quand t'as mains un peu. Bad girl, Caballo mal de bitches qu'a mal pas les mains ou pièces fanlay et si on les respecte qu'on carré present girl. T'as vraiment nez en point, mon chef en point. Chaque côté mon passé mon toujours on point. T'as beau vite que mon gang est bliché on point. Carré un girl, I don't care on the town. Chaque côté mon passé mon toujours gang style. Mon billet à sa coupe qui a pété y'a tête non-stop. Mon toujours qu'a venu que des different subs. Chaque son mon cas sorti caballé different tap dans son key. Faut pas moller là mon cas flasque mon girl. Faut j'en savais qu'il y a look around the world. Faut pas voler l'homme au caflas, y'a mon girl. Caribbean girl, I don't call out the world. Fresh, got diamonds and pearl. Bad girl, caballo malte. Bitches, camal, pas les mêmes ou pièces font les yeux. Si y'a des respect, qu'on represent girl. Mon cap, on y'a pire, les bandes d'un sol. Tout le monde y l'op, dans nous cas, bad side. Nous cas amusé, y pas j'ai gain pièce job. Dans nous rivières, une côté, y pas j'ai gain pièce flop. Mon cap, on y'a pire, les bandes d'un sol. Tout le monde y l'op, dans nous cas, bad side. Nous cas amusé, y pas j'ai gain pièce. L'homme nous rivière une côté, il passe gain, pièce flop. Bambi, dont on parlera dans les breaking news. Guadeloupe, Martinique, Guyane. Exprime-toi librement dans Génération 97 sur Trace FM. Merci d'être là, Madame Guadayana, 0800 22 130 100. Évidemment, on a des breaking news qui débarquent et qui concernent la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, notamment la Miss Bambi. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Bambi? Apparemment, elle a défrayé la chronique, Nessie. Elle aurait montré son soutien-gorge, c'est ça? Elle a montré son soutien-gorge. J'adore Nessie quand elle regarde son fil d'actualité parce que du coup, Kim Kardashian est morte aujourd'hui. Hein. Elle n'a pas été agressée, mais Kim Kardashian est morte. Je suis passée à côté de cette info. T'es passée à côté? Apparemment, pas complètement. Hein. Bah, j'ai entendu parler de ça, mais apparemment, c'est pas ça. C'est rentré par une oreille et c'est sorti par l'autre, apparemment, en fait. Apparemment, c'est pas ça. Bambi, en fait, grosso modo, je crois que c'est exactement la même tenue avec laquelle on l'a croisée sur une autre scène, en fait. Elle a enflammé la Guyane par rapport à sa tenue. Mais ça, c'est Sabri qui m'a fait remonter l'info. Je fais un peu le bêcheur, mais je suis passé à côté de l'info aussi. Bref, Bambi, apparemment, elle avait pas de soutien-gorge. Ouais, en fait, elle avait un t-shirt assez transparent et donc on voit quasiment tout. Mais si son chéri aime ça, c'est bien. On va essayer de l'appeler tout à l'heure normalement. On a pris des contacts, voir. Ah, il est heureux, Tikam. Ah ouais, je veux lui parler. T'es le mec, t'es là pour quoi? Pour un stage de journaliste? Non, je suis là pour un stage web digital. Mais je peux lui parler là, je peux faire l'interview. 0820 203 200. On va faire des petits bonsoirs également sur le web. Ouais, il y a Laurie qui se connecte avec nous. Un big up à Nathan aussi, ou encore Mademoiselle Sissi. Salut. On a quoi d'autre comme breaking news? Bien, ce week-end, il y a un jeune homme de 17 ans qui a été abattu par balle lors d'une fête dans une résidence à Basse-Terre. Et il est décédé sur place. Les secours n'ont rien pu faire et l'arme n'a toujours pas été retrouvée par les enquêteurs. On a énormément de tweets qu'on a vu passer, en tout cas dans le fil d'actualité, où les gens disaient « Eh voilà !» Après tout ça de mobilisation, après un électrochoc qu'on croyait qui avait abouti, la vie reprend son cours tout à fait normalement. Je suis d'accord, je peux comprendre que ça vous choque, encore un meurtre, machin, etc. Ok, maintenant, ce qu'il faut se dire aussi à un moment ou à un autre, c'est que si nous-mêmes on le banalise, chaque fois que ça arrive, comment voulez-vous à terme que ça ne soit pas encore plus banalisé? Si vous renvoyez cette image, effectivement, que c'est la vie normale, bah faut pas vous étonner qu'à un moment ou à un autre, bah ça le reste, quoi. Y a un truc qui m'a fait sourire, d'ailleurs, dans l'actualité, mais c'est carrément les journaux qui ont parlé de ça. Cazeneuve, là, le ministre... Il est de passage en ce moment. Il est de passage, en fait, et du coup, visiblement, pendant son passage, ils ont enregistré quoi? Ils ont enregistré trois meurtres. Un truc comme trois meurtres, quoi. Bon, ben, écoute, le mec, il va arriver, il va nous faire les beaux discours que, comme il fait, à Marseille, hein. Et puis, on verra bien si ça porte ses fruits. Bernard, si tu nous écoutes, bonne soirée, bonne route. Quoi d'autre dans les breaking news? Kim Kardashian. Alors, yes. elle était de passage à Paris. Elle s'est suicidée, en fait. Mais non. toujours les bonnes infos. Mais après, ce qui lui est arrivé, je pense qu'elle a bien envie de... Tu te suicides pas pour l'argent. Pour 11 millions? 11 millions. Ah bah, Desi, écoute, je te donne 11 millions tout de suite. Hein. Non. Alors, elle était de passage à Paris pour la Fashion Week. Et elle a été victime d'un cambriolage dans le 8e arrondissement. 11 millions d'euros de bijoux. Ouais, c'est ça, 11 millions. Ouais, enfin, en tout cas, des millions. Des on millions. A pris deux téléphones aussi, j'ai vu. Ouais, bon, enfin, c'est pas les téléphones qui chiffrent. Même s'il y a des diamants dessus, c'est le mec qui dit, ah putain, ils lui ont pris un bibop. Non, mais je pense qu'ils lui ont pris un gros. Elle doit avoir un gros téléphone. Et alors, un gros téléphone, c'est quoi? Un iPhone 7, un Samsung Galaxy 12? Non, mais il a été fait rien pour elle, il a été rien personnalisé. Oui, il y a un cas dessus. C'est possible qu'il y ait des bijoux, effectivement, sur la pochette ou, que, voilà. ou qu'il soit serti, peut-être, ouais, pourquoi pas. Mais à un moment ou à un autre, un téléphone à 2 millions d'euros, quand même, ça me ferait chier, quoi. Vu comment on les casse, vu. Non, mais là, c'est pas possible. Bah, elle est bien capable. Hein. Mais non, un téléphone portable à 2 millions d'euros. Mais c'est Kim Kardashian, frère. Eh, Sabri, un téléphone portable à 2 millions d'euros. Non, je vends. Au moins, non. Je pense qu'elle a dû au moins le payer 2000 euros son téléphone. Mais oui, mais 2000 euros, c'est pas 2 millions. Oui, mais sur tout ce qu'on a volé. Juste pour information, tu aurais regardé la liste des choses. Ça lui a fait mal. La bague faisait déjà 4 millions, la bague qu'on lui a volée. Donc on n'a pas forcément volé énormément de choses. Oui, mais pour les téléphones, ce qui fait mal, ce sont les photos. Une bague les photos et une boucle d'oreille, c'est et bon. Et les sextapes. Les sextapes qui sont sur les appareils. Non, mais il faut déjà débloquer le téléphone. Non, Les mecs, j'espère qu'ils se sont débarrassés des téléphones parce que ça, c'est le truc le plus stupide qu'ils aient pu J'avoue, voler. J'avoue, par contre, là, on peut être assez bêtement par rapport déjà, à ça. Déjà, les bijoux, ça va être difficile à receler, mais le téléphone, frère. Mais les mecs sont déjà dans ton culotte. Tu l'as allumé. Alors que tu dis allô, le gars est derrière toi. Gros dispositif quand même, parce que mine de rien, les mecs se sont pointés cagoulés. Ils observaient en fait les allées et venues de la nana qui n'était pas donc dans un hôtel, qui était logée en fait visiblement dans une résidence privée. Et moi, ce qui me fait halluciner, c'est que tout le monde est en train de dire putain, 4 millions d'euros la bague. Je suis sûr que le téléphone, il est super cher. Nanana, il doit y avoir des sextapes. Mais personne ne se rend compte qu'à un moment ou à un autre, en fait, les mecs ne s'attaquent plus en fait au commun des mortels, quoi. Alors justement, parlons-en. Tu es un dangereux criminel. Tu arrives dans la maison de Kim Kardashian, tu lui attaches les poignets, les chevilles et tu lui fais rien. Tu lui demandes sa bague. Elle est en prison sur Photoshop. Non, mais il paraît qu'elle a été y a pas une petite tape sur les fesses. On n'a pas tous forcément les mêmes instants. On a d'autres breaking news qui débarquent. 0820-203-200. Votre réaction, on vous attend. Hashtag G97, hashtag TraceFM. Voici Ken Jones et c'est Tige Sound également qui nous rejoint du côté des platines. A tout de suite dans Génération 97. Ce mercredi 12 octobre à 16h au Rex, TraceFM et le forfait Sapé by SFR offrent l'avant-première de La Pièce. Hey poto, elle est vraie ton histoire? La Pièce, le premier film événement du Watibé. Au départ, c'est un charclou. Il dort mépris du quartier. Regarde ça mon pote, lanceur des pièces. C'est marrant votre jeu, tu peux jouer? Le gros fou rire de la rentrée en avant-première TraceFM avec le forfait Sapé by SFR. Toute la semaine, guette le signal de La Pièce. Est-ce que t'en as une de pièces? Les extraits de la BO du film à la suite. Appelle-nous au 0820-203-200 et repars avec 4 ou 6 places, la boisson et tes pop-corn pour l'avant-premier événement de La Pièce, mercredi 12 octobre, 16h, au Rex, avec le forfait Sapé by SFR. Forfait Sapé by SFR, ça le fait. Plus d'infos trace.fm. James Bond, Mr. & Mrs. Smith et Jason Bourne n'étaient pas disponibles. Alors pour sauver le monde, il ne reste plus que... J'ai un plan. Ça pourrait peut-être nous tuer tous les deux, mais dis-toi que si ça passe, on va devenir de vraies légendes. C'est cool. Non, ça rien de cool. Dwayne Johnson, Kevin Hart, agent presque secret. Cet été, on sort les gros calibres. Agent presque secret, actuellement au cinéma. La ville du Moule et l'association ASCM présentent le Mio Contest, édition DKM. Édition DKM. Battle de chant et danse, toute discipline. En jeu, 250 euros. Et de nombreux lots à gagner par battle. Samedi 15 octobre à 19h30, salle Robert Loison au Moule. Prévente 10 euros au guichet salle Robert Loison au Moule. Sur place, 15 euros. Attention, date limite d'inscription jusqu'au 10 octobre. Contact 0690 425 975. Page Facebook ASCM Initiative Projet. Mio Contest Battle Chant et Danse. Samedi 15 octobre. Salle Robert Loison au Moule. Be there. TraceFM. Premier sur les hits. Vous êtes étudiant, vous êtes enseignant. DigiLife vous offre 10% de remise exceptionnelle sur le tarif Métropole pour l'achat d'un nouveau Mac. Vous pourrez également essayer tous les iPads et tous les iPhones dans les meilleures conditions et profiter de nombreuses offres spéciales rentrées. Nos experts Apple vous apporteront des conseils personnalisés ainsi que tous les services et garanties que seul un Apple Premium Reseller est à même de vous proposer. Rendez-vous chez DigiLife, centre commercial d'Estreland et sur digilife.fr. Offre valable jusqu'au 15 octobre et soumise à conditions. I'm sorry. Mister SM, en sonnerie exclusive sur Tronfort.

Bon, ok. Donc je les chauffe et puis après je les chauffe à l'antenne, donc on les appelle le soir. Yes, donc là en ce moment t'es en train de chatter avec ton petit scolopendre entre les jambes. C'est entre comme ça que ça s'appelle. Les cuisses. D'accord, ok. Bon, ben dans un petit instant, nous allons la voir en direct. Quand tu le sens mûr, tu nous dis, tu fais ça, tu t'es même pas obligé d'annoncer. Hein. T'arrives à l'antenne, tu fais. C'est le bruit du micro. D'accord, ok. 0820-203-200, on aura du Hey Baby Allo aussi tout à l'heure. Et puis on va jouer également les traceurs. On commence par quoi ce soir alors, Kesh? Tu sais qui? Excuse-moi, j'aimais bien mon redeem. Eh, hey, vous avez vu que les gars, ça y est, ils en peuvent plus là, ils font leur heure de gloire. Alors nous sommes les inventeurs du Calcul Challenge. Voici les règles fédérales. Voilà comment on joue pour faire le championnat du monde. Bref, hashtag #G97, hashtag #TraceFM. On a aussi Jackson qui nous rejoint du côté du standard. Bonsoir Jackson. Allô, allô. Allô, oui, bonsoir. Salut, ça va bien? Salut. C'est cool de ton côté. Mais ça va, t'as ça la voix va, qui tremble va. Un peu. Qu'est-ce qui t'arrive? Jackson, au standard. Jackson, tu as 28 ans, tu nous appelles du Robert en Martinique. Comment ça va, mec? Ça s'est bien passé? Il fait froid là-bas? Ah ben en ce moment je fais du taf et voilà. Tu bosses essentiellement, d'accord, ok. Sinon tout va bien, la tempête, on demande un petit peu, tu sais, chaque fois qu'on a des Martiniquais, parce qu'il y en a qui en ont profité pour se faire rembourser plein de trucs par l'assurance. Si tu veux récupérer le petit extrait de l'émission pour dire oui, ils ont détruit ma Ferrari, hein. J'ai des photos, je voudrais me faire rembourser par l'assurance. J'avais une Camaro, elle est partie avec la roule. Ouais. J'avais une PlayStation 8 dans le salon, elle est morte noyée. Bref, Jackson, t'es là pour quoi, mec? Pour le même sujet que la dernière fois. Parce que le même sujet que la dernière fois. Ah ouais, mais qui es-tu? Mais qui es-tu? On ne s'en rappelle plus, il s'est tellement passé de choses depuis, mec. Mais là, tu sais quoi? Ça me dit rien. Là, j'écoute ta voix, bon, je reconnais aucune grenouille qui est derrière toi. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment la première fois que tu passes à la radio, tu vois. Ah si, il y en a une. Ouais, il y en a une que je reconnais là. Ouais, celle-là. Bernadette Larenette. Ouais, Bernadette. Bernadette. Hey, Bernadette. Je crois que ça va, Bernadette. Moi aussi je parle crapaud. Ah, il faut qu'il s'éloigne des grillons. Enfin des grillons. Des crenouilles. Il faut qu'il s'éloigne des crenouilles. Et puis il doit faire froid dehors, le gars tremble. Allô, Jackson. Alors, oui. C'était quoi ton sujet la dernière fois? Parce que franchement, honnêtement, même si on connaît Bernadette, on se rappelle pas pourquoi t'avais appelé la première fois. Alors, ce que je disais, c'est que j'aime beaucoup voir les séries de Friends. Comment? Il a regardé toutes les saisons de la série Friends. C'est ça qu'il a dit. Beaucoup voir les séries Friends. Tu ne peux plus voir quoi? Les pieds des filles. Mais oui, c'est le gars qui aimait les pieds. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Ah, et on n'avait pas parlé de ça à l'antenne. Mais il me semble que bah si. Oui. On avait fini avec lui. Maman. Oui. On t'avait pas donné un petit coup de pied. T'as kiffé, c'est pour ça qu'on t'a donné un petit coup de pied pour te dégager. Tu t'es dit, je reviens, j'ai bien aimé vos pieds. Non, je me rappelle, mais on en avait discuté, Frangin. On en avait un peu parlé quand même. Non, on n'avait pas vraiment parlé, parce que la dernière fois là, j'étais occupé, et voilà. Ah, c'était toi qui étais... On n'avait pas réussi à te rejoindre après au téléphone, c'est ça? Voilà. Ah, mais pour nous, c'était classé. Je veux dire, tu aimais les pieds, quoi. Je veux dire, nous, franchement, en plus, pendant que tu nous racontais ça... Ça va plus loin. J'aime les mollets. J'aime les mollets. Est-ce que ça va jusqu'au genou? Ben, en fait, ce qui nous intéresse de savoir, c'est t'aimes les filles, en fait. Le mec, tu vois, genre, il commence par les pieds, il commence par les chevilles. Ça se trouve, en fait, peut-être que tu vas découvrir que t'aimes le corps tout entier. Non, c'est pas ça? Ouais, c'est ça. Ok. Bon, ben, écoute, voilà. Le sujet est traité. Bonne soirée. Non, plus sérieusement, alors, explique-nous. Pourquoi t'appelles? Parce que si à un moment ou un autre, tu nous appelles, c'est que tu estimes que on en a pas parlé suffisamment avec toi. Peut-être que t'as eu l'impression de te sentir encore un peu isolé à aimer les pieds. Mais t'es pas seul, mec. Il y en a d'autres qui aiment ça. Ouais. T'aimes quoi d'autre? Non, mais c'est juste pour savoir, est-ce qu'il y a un des filles qui s'attendent? Ah, tu veux faire ta petite anne? annonce. Ok, c'est même pas qu'on avait parlé des fétichistes ou qu'on en avait pas parlé en fait. C'est que juste t'avais pas eu le temps de donner ton numéro de téléphone pour qu'on puisse te contacter en fait. Voilà, exact. Ah oui, mais ça on a compris, c'est parce que c'est Sabri qui a demandé qu'on raccroche sur toi, parce que comme il est le seul fétichiste en ce moment dans le sur le marché, il a pas très envie de partager. Ok. D'accord. Tu recherches une nana qui aurait de jolis pieds. Ouais, et puis est-ce qu'il y en a qui. Est-ce que Keshi l'a déjà fait là? Est-ce que quoi, Keshi est un garçon. Il a une voix très douce au téléphone. Mais c'est Keshi. Non, mais la fille qui a pris toi là, comment ça s'appelle? Nessie. Oui. Tu veux qu'on t'envoie une photo de ses pieds? Non mais blague à part, mais t'es un expert mec, ça se trouve on t'envoie une photo de ses pieds, tu bouges pas, tu raccroches pas, on t'envoie une photo de ses pieds, tu vas nous donner ton analyse, ok? Non mais attends, là j'ai pas Facebook et j'ai pas le téléphone adapté pour ça. Il n'a pas le téléphone adapté pour recevoir une photo des pieds de Nessie. Dans sa vie il faut choisir soit faire des économies pour s'acheter le téléphone de ses rêves, soit prendre son pied, t'as fait ton choix. Okay. Y a un moyen, un petit Facebook qui traîne, un petit ordinateur, non, non. Non. Tu as pas live Facebook, parce qu'on aurait pu montrer les pieds de Nessie sur live Facebook par exemple. Ouais, moi, que tu m'envoies ça par je sais pas moi, par Facebook. Mais après, il va faire quoi avec mes pieds? Non, mais. Il va se faire quoi? Ça le regarde. Ça le regarde. Il faut assumer, hein, Nessie, d'être une personne exposée. Hein. Hashtag G97, hashtag TraceFM, 0820 203 200 également sur le net www.trace.fm. Mec, comment veux-tu qu'on discute avec toi? T'es bien sympa, t'es cool, mais on te propose carrément, peut-être ça se trouve, de te faire ta soirée, parce que si ça se trouve, les pieds, ils vont te faire kiffer. Comment on pourrait lui vendre les pieds, là? Sabri, jette un petit coup d'œil. Comment tu trouves ça, là? Ben, je sais pas, tu veux rencontrer une fille qui éventuellement aurait des pieds, c'est ça? Ouais. Oui, il a dit oui. Ouais, il a dit oui, ouais. Ok, d'accord. Bon, ben, les filles, si vous avez des pieds, vous appelez 0820 203 200. Il y a Jackson qui est au standard, il recherche une fille avec deux pieds. Ouais, de préférence. Si vous en avez trois, ça le dérange pas. Ça peut même le faire kiffer. Si vous en avez un, il peut s'en contenter. Bien sûr, il aime ça les pieds. Est-ce que ça choque un peu les gens derrière la radio? Je sais pas, non, je crois que je crois que le fétichisme aujourd'hui c'est vraiment super admis. Tu sais, on bloque tous sur des détails. C'est vrai qu'il y a les détails un peu communs. Tu prends Keshi ou Yoshi par exemple au standard, les mecs sont super binaires. Qu'est-ce qui leur plaît chez une nana? Les fesses. Tu prends Tikam, il va te répondre les yeux du mec. Tu prends Nessie, elle va te répondre ah non, moi j'aime quand ils sont grands, avec des larges épaules par exemple. Oui. Tu prends Hugo, il va te dire je les aime poilus, tu vois. No. Non, okay. Tu les aimes comment toi? Pourquoi ça? Pourquoi pas? Alors ouais. Pourquoi pas? Ça fait combien de temps que t'as paniqué? Ah, tu en as de ce modèle? Oui. T'as déjà couché avec une femme poilue ou pas? Poilu, c'est beaucoup dire. Non, vas-y, dis-nous toi. Poilu vite fait, comment ça, poilu vite fait? Enfin, poilu vite fait, il reste des poils, c'est ça en fait? Du dépoilage. Poilu vite fait. Poilu, elle a jamais eu besoin de raser. Entre 2 et 5 cm. Ah oui, quand même. Hey, tu as été mesurer les poils. Mais non, je te donne une estimation. Ah, 5 cm, c'est... Ouh, y'a... Ouais, c'est bienvenu, là, quand même. 5 cm, c'est la planète des singes, hein, mec. Ouais. 2 cm, bon, on sent qu'il y a un peu ça de dessin, mais 5 cm, si mal, c'est... Ah, là, tu fais des T0 déjà. Non, hein. C'est l'âge de glace. Hein. 0820 203 200. Également sur le net www.trace.fm. Bouge pas, raccroche pas, mec. Hashtag G97, hashtag TraceFM. On revient avec du cocoteur dans un petit instant. Il chauffe depuis tout à l'heure un certain scolopin entre les cuisses. Ouais. C'est son pseudo sur le site de rencontre. Dans un petit instant, on l'appelle en direct dans Génération 97. D'ici là, lâche-moi un petit Mavado avec In Progress. Si je sound. Big up Tijo Sound, Big Bad DJ. Go son. Just link up with me dog, Mineral Boss. You know, Gully Side Mineral Progress. We not in a nothing with you. If you're not showing no progress, man figure through life without no stress. Be friends with some people that's hopeless. Cause them are not them progress. Talk about the things and them school. 9 à dem. Combien fait que les tombes mourir du vol à dem. Just family, me say fi don't just friend. Priez bon Dieu, moto, you trop bad mind. En plus, ce calin, c'est ton ennemi, malgré ton ex-gal dem. Mais moi, qu'a passé, j'ai dit, moi, y'a tout, qu'elle est au net. Faut pas, pas y'a chance, man, dit. Ouais, t'as fait bless, man, a real general. Pas qu'à moller d'ouvant, y'a que c'est puis. Guyana, man, les savent reconnaître. Non, non, non, il faut toute bête qui la mousse un next level. Comparé à vous que je taille ou est pas même modèle. D'abord si est tout comment c'est link up mo. Le bitouan qui m'a la bas dit j'ot la yo savait en plus. Sa capuche mo c'est qu'à défendre mo from long time. Car on paraît pas sur ton dé qui la mo cabaye. M'obligé prendre big distance que y'est. Le bitouan qui m'a la bas dit j'ot la yo savait en plus. Mo chaque comprend y'est tout ce qu'il a gardé y'est. Aux alentours bridge in avec qui la y'est. Mo chaque comprend y'est tout d'abord. Gardé y'est tout. Tout à fait qu'il a moto. Moi j'ai compris tout qu'il a gardé aux alentours. Bridge in a fait qu'il a yeah. Moi j'ai compris tout au sol là. Gardé tout à fait qu'il a. Et puis moi des moyens nous qu'a fait nous bêtes avant ta cheese. Yo pas au courant dit yo yo qu'a dit bêtise. Pas les ont renseignés déjà posé problème pour yé. Give yo qui a pris son bad bike à chaque planche. Tu tweet pas pédile que yé pièce tonton. Si mon côté mon lead est like et qu'est mad encore. Que visage marré botte. Depuis combien je parle souvent, j'en nomme la m'obligé ben gomme. Moi j'ai compris tout qu'il a gardé aux alentours. Bridge in a fait qu'il a. Moi j'ai compris tout d'abord. I'm in the streets looking fly with no friend on me. Smile on my face so sweet that it's cinnamon. Boys wanna spend something like Mr. Benjamin. I need it, why am I on no friend on me, say. Trust me, not my gentleman. You're pussy, no. You know why I be my friend, I tell. True of you, you're sexy, but that's the real thing. We get y'all easy. I bet you want run, tell him this. That you want me be your girlfriend. You say you just want be my friend. Sit down, know you wanna. Step into the dance, I'm a spotlight president. Security on me like the president. Paparazzi follow me, cause I represent the girls. Boys wanna undress. Yeah, boy, I know the sick games you play. And through your heart, you get with it from where they heard it at the post, so it's a bad bit cliche. On the mic, sing for the DJ. So when you see you, me, I'll give you this smile. But me not gonna make no girl change me style. No girl on road can't read off me file. But a regular, they do change me style. I should serve you, but if it's it, no, me no see on top. Si mon avion n'est pas capable, me ça pas si potable. Vivez en les hanches de bleu, tu peux qui oriental. Me bad guy. Quand à moi, me feel so good. La famille, elle est là, ça chante, ça danse et puis ça boit. Quand à moi, me feel so good. Ceux qui ne nous aiment pas, qu'on connaît, ils sont toujours à boire. Chanter comme si James Brown. James Brown. James Brown. Chanter comme si James Brown. Somehow you got extra, forget me not. When it's sweet, you, what you say? Fever, buy your punani. Point see me baby, everything crisp. My good love make you turn on crisp. Fever, buy your punani. Point see me baby, everything crisp. My good love make you turn on crisp. When you look back at you, I mean that. Doggy style, puppy whisper. My cocky so hot, it be the fire fever. If you can't rock it, I'll crack. Me love one away. Can't me love the way your body shape. Yeah, you take me to another place. Another place. Can't wait to know when I did. All the day. Yeah, don't let the lane one away. One away. We are gonna love one away. One away. We made the link one away, nah. Pretty face and your Coca-Cola shape. Number one, girl, you set the pace. Shake it like a earthquake. Shake, shake. Me, you can hide from everybody. Us two alone in this party. You ain't gotta be shy to get naughty. Come walk up on kicks on me, baby. Sweet, unfair. The way you do it, you style it, you move. Sweet, unfair. The way you do it, you style is your name. Yeah, me love the way your body shape. Yeah, you take me to another place. Can't wait if you know what I did. J'espère que je vous dérange. Je n'ai pas pu me retenir, je sais. On s'est quitté à longtemps. J'ai toujours ton numéro. Je le connais comme mon nom. J'hésitais mais pas qu'on est gros. De t'entendre, je suis content. On m'a dit que t'as un enfant. Je suppose qu'il s'appelle Adam. C'est ce qu'on s'était promis, jamais je n'oublie. Un fils ou une fille, si j'avais mon CD. Même si c'est fini, penses-tu à moi dans ton lit? A-t-il le secret qui te fait gémir? Mon coup de rêve, les gens de notre voix ont juré. C'est gros ça au pays. Ni maman, pas ni papa, le week-end, pas ni au pays. Tout classé face à face. C'est gros ça au pays. Tout classé face à face. Pas face à face. Dans là c'est fait. Fais sa fesse. Tout classé face à face. Pas face à face. Dans là c'est fait. Fais sa fesse. C'est gros ça au pays. Ma des femmes dans ses boucles, moi c'est détail. Mais les coups, moi c'est voyer fesse. Faut pas pétail. C'est pas des coups. Tout le monde j'aille en bail. Y'a qu'à garder comme femme qu'à couler à la paille. C'est pas, on est pas comme madame au style. Des champagnes, on met tout pour la vita. I love my mother so more than you alone. She guides me while I grow. Yeah, you're my hero, hero, hero, hero. Yeah, you're my hero, hero, hero, hero. Yeah, you're my reason. You make me strong. I will never do wrong. Mommy won't let you down. I wanna give you a crown. Do any weather. Oh baby, alone, things will get better. Oh, I love you so. I love my mother so. Con Rihanna, qu'a dégagé vibe à chaque instant. On s'est dévoré au con piranha. Tous ces sensuels qu'on calypse. Le dimanche. Génération 97 dans les tympans. Hugo s'est un petit peu éloigné pour continuer à chauffer son cocoteur. On l'appelle dans une poignée de secondes. Il s'appelle Scolopin entre les cuisses quand même. Déjà, je pense qu'il faut. Je sais pas, c'est bizarre quand même de s'appeler comme ça. Ça se trouve, on va tromper. On va tomber sur un vrai frappadung. Hashtag G97, hashtag Trace FM. 0820 203 200. On se prépare à du Seki également dans un Trace Studio. Génération 97, le soir, no limit, y a pas de limite. Tijo Sound derrière les platines, vous réclamez vos titres. S'il y a un truc qui vous ferait particulièrement plaisir ce soir, hashtag G97, hashtag Trace FM, 0820 203 200. C'est en live, c'est en direct et c'est dans tes tempans. On a du c'est qui? On cherche une star locale, nationale ou internationale avec des indices. De qui s'agit-il? Des cadeaux à gagner, des places de cinéma pour aller voir le film de votre choix. Je suis caribéen. Mon père est pasteur. J'ai émigré aux États-Unis vers l'âge de 9 ans. The Precious Son. The Precious Son. C'est quoi The Precious Son? Le fils du pasteur. Ah. Qui suis-je? Redis-moi ça. Alors, je suis caribéen. Mon père est pasteur. Et j'ai émigré aux États-Unis vers l'âge de 9 ans. Ok, vous faites vos propositions, on va vous publier également les indices sur les réseaux sociaux. On revient avec Jackson également dans un petit instant. Il nous explique un peu sa situation. Visiblement, il a une lubie, Jackson. Hashtag G97, hashtag TraceFM, et il cherche des gens qui répondent à cette lubie. Si vous avez peut-être le profil d'ailleurs, contactez-nous, même anonymement, juste pour voir, hein, tant qu'à faire, parce qu'il sent un petit peu seul. Visiblement, ses pieds ne le contentent pas. D'ici là, on est en mode on est en mode cocoteur. On appelle, ça y est, c'est Scolopin bon. Dans c'est bon. Ah, allez, il est cuit, il est chaud là. C'est parti. On compose le numéro de téléphone. Bonsoir. Allô, salut, c'est bien Scolo pendre entre les cuisses, je te dérange pas? Ben, j'attendais une photo de toi, en maillot ou je sais pas. Ah, mais si tu préfères, je t'envoie une photo de ma caverne d'Ali Baba. Ah ouais, aïe aïe aïe. Et tu fais quoi actuellement? J'aurais bien aimé faire ça là. Ouais, mais comme je t'ai dit, je suis dispo, alors qu'est-ce qui nous en empêche? Le temps de... Parce que bon, je suis chez ma mère, donc... D'accord. C'est pas... Ça dépend si elle est là. Si elle est pas là, je m'en tape, tu vois. Ouais. Elle arrive, je dis que... On regarde un film, limite. Ouais, en plus, ce sera pas un gros mensonge, parce que bon, le film, si on le regarde pas, on le fera. Ah là là. Si c'est une blague, elle est de mauvais goût, hein. Non, non, non, je ne blague jamais. Avec les cocos et les abricots. Je vois. Oh. Là, t'es tout seul chez toi? Téléphone. Non, il y a mon petit frère là, vite fait. Ah, et bon Dieu. Et il entend tout ce qu'on dit là? Ouais. Ah, donc on pourra pas faire nos affaires par téléphone. Tant que tu veux, moi je suis ok, hein. Mais attends quand même, éloigne-toi un petit peu de lui, s'il te plaît. Bah, oui, si tu veux. Ouais, merci, parce qu'en fait, je suis très chaude là et j'ai peur de choquer l'enfant, tu comprends? Bah ouais. Dis-moi, tu peux venir me prendre dans 10 minutes, s'il te plaît? Parce que je suis en mode érection volcanique. Aïe, aïe, aïe. Et est-ce que tu pourras me prendre dans la voiture? Bah oui, on va dans un coin tranquille. Ouais, ouais, mais en fait, moi, c'est surtout la voiture même qui m'excite, tu vois. En fait, j'ai un petit rituel avant de prendre le volant. Il faut toujours que je m'assoie sur le levier de vitesse. Hein? Des fois? Ben, tu sais, quand je suis toute seule dans la voiture, et des ouais. fois, quand j'ai une envie, ben, je monte sur le levier de vitesse et je l'insère. Oh là là, il faut mieux m'appeler. Ouais, mais t'appeler pourquoi? Si je t'appelle, il faut que tu participes, que tu essayes aussi, toi, le levier de vitesse. Ouais, wow, tu veux voir ou pas? Mais bien sûr, je veux regarder et aussi filmer. Alors, ça te tente? Comme tu veux, je veux bien. Ça a accroché? On dirait. Ne réponds pas comme ça! Putain, tu sais qu'il y a un truc qui est en train de s'inverser dans la tendance. Jusque-là, on avait des gens qui nous choquaient au téléphone. Maintenant, c'est Hugo qui choque les gens. Ah, la tendance s'inverse! On le rappelle tout à l'heure ou pas, mec? On essaye, si tu veux. Le soir. Le soir. Le soir. Le soir. Génération 9-7. Génération 9-7. Personne peut tester. Génération 9-7. Sur Trace FM. Sur Trace FM. Oh là là, c'est compliqué les études, les démarches et tout. Et puis c'est pas donné, hein. Le bon plan, c'est la CAF. C'est simple et il t'aide à payer ton loyer. Si tu es étudiant en appart ou en résidence universitaire, tu peux bénéficier de l'allocation logement avec la CAF. Fais ta demande directement en ligne sur www.caf.fr. T'es sérieuse? C'est aussi simple que ça? Bien sûr, simple comme un clic. Pour ta demande d'allocation logement, c'est direct sur www.caf.fr. Et pour toutes les infos, va sur facebook.com/cafétudiant. Cette année, l'allocation logement étudiant, c'est zéro papier. Donc, 100% dématérialisé. CAF.fr, rapide, fiable, proche de vous. Salut Kevin. Salut Léa. Alors, t'en es où de tes projets? Bof, rien, ça n'avance pas. Pourquoi tu ne vas pas te renseigner au RSMA? Au quoi? Au RSMA, le Régiment du Service Militaire Adapté de la Guadeloupe. Ce sont 30 formations pour 30 métiers qui embauchent. Peintre, maçon, secrétaire, conducteur d'engin, agent de sécurité, mécanicien. Comme moi, tu trouveras forcément ta voie. Et ça dure longtemps? Entre 6 et 12 mois, pendant lesquels tu es logé, rémunéré. Et à l'issue, j'ai trouvé un travail. Ils m'ont même fait passer mon permis gratuitement. Ah ça, c'est cool Léa. Je sais ce qu'il me reste à faire. Vous avez entre 18 et 25 ans. Chaque mois, le RSMA recrute en Guadeloupe. Informations et contacts sur rsma.gp et les réseaux sociaux. RSMA, réussir ensemble. Vous êtes étudiant, vous êtes enseignant. Digilife vous offre 10% de remise exceptionnelle sur le tarif Métropole pour l'achat d'un nouveau Mac. Vous pourrez également essayer tous les iPads et tous les iPhones dans les meilleures conditions et profiter de nombreuses offres spéciales rentrées. Nos experts Apple vous apporteront des conseils personnalisés ainsi que tous les services et garanties que seul un Apple Premium Reseller est à même de vous proposer.

si vous avez trouvé de qui il s'agit. On a des petits coucous à faire sur le web, on salue Audrey, salut Audrey. Il y a Mauvais Oeil aussi qui est là et Loulouche. Un Mauvais Oeil qui a bien kiffé le petit booba tout à l'heure, Tijo, continue comme ça. Brandon ou encore Lolita Style également, qui demande qu'on organise un casting pour sélectionner les plus beaux pieds pour le mec. Le mec en question, c'est Jackson. Il est avec nous du côté du standard. Et Jackson, tu es là, tu m'entends? Allô? Yo? Jackson, allô, es-tu là? Ça va? Cool. Bon. Jackson, il a une lubie, il aime les pieds. Mais visiblement, ta petite annonce a pas porté ses fruits. Hein. Comment tu te ressens, toi? D'ailleurs, tu sais comment ça s'appelle, les gens qui aiment les pieds? Comment? Tu sais comment ça s'appelle, les gens qui aiment les pieds? Des piédophiles. Les piédophiles. C'est pas mal. Ah putain, elle est très bien, celle-là. Elle est très très bien. Donc oui... Bonjour, je suis piédophile. Monsieur, suivez-moi. Mais quoi? Ah non, c'est très bon. J'aime les pieds, je suis piédophile. Hashtag piédo. Ah. Bon, tu sais comment ça s'appelle ou pas, les gens qui se concentrent comme ça sur une partie du corps? Comment? Tu sais comment ça s'appelle, les gens qui se concentrent sur une partie du corps? Jackson, fais un effort, on essaie d'avoir une conversation avec toi, mec. Alors, ce que j'avais pas appris, c'était les chines des femmes. C'est quoi? Les chines. Les chaises. Les chiffres. Les chiffres. Les chiffres. Chisme. Les schismes. C'est quoi les schismes? Les femmes qui aiment se faire lécher les pieds par les hommes. Quelqu'un comprend? Ah, oui, j'ai compris. Il a dit les femmes qui aiment se faire lécher les pieds par les hommes. Ça, c'est des schismes, machin truc là. Et she's my girlfriend. C'est dans la même veine. She's my girlfriend. Ok. Je savais pas du tout. Je crois qu'on appelle ça un fétichiste en fait. Ouais, surtout oui. En fait, les gens qui bloquent sur des lubies comme ça, des parties du corps. Alors il y a des fétichistes d'un peu tout. C'est vrai que c'est plus courant de rencontrer des gens, des gens qui bloquent sur les pieds. Mais tu te sens mal à l'aise par rapport à ça parce que je pense que tu tiens vraiment. C'est en fait, t'as du mal à rencontrer des gens qui aiment qu'on aime leurs pieds en fait. Ouais, mais mec, je sais pas s'il y a un réseau, je sais pas s'il y a une manière de faire, je saurais pas te répondre. Un réseau de pieds aux Antilles. Tu sais, genre un réseau clandestin de pédophiles. T'es incapable de nous dire aussi ce que tu aimes particulièrement dans les pieds. Après, peut-être que c'est pas explicable, peut-être que c'est juste... Les petits champignons, les petits oignons. Ouais, comment il faut qu'ils soient les ongles, par exemple? Comment il faut qu'ils soient les ongles? Je demande à la fille qui parle. Nessie, écoute, on va te passer Nessie. Voilà. Vas-y, parle-lui. Alors, décris-lui tes pieds, ça se trouve, ça va le faire kiffer. On aura rendu au moins un homme heureux sur cette planète avec toi. Alors, vas-y. Je crois que j'ai les pieds égyptiens. C'est quoi les pieds égyptiens? Ils sont de profil. Qu'est-ce qu'il est con, ce gars-là? Non mais en même temps tu l'as cherché, c'est quoi les pieds égyptiens? C'est que ça fait un parfait dégradé. Un parfait dégradé. Je regardais les pieds de mon fiancé hier, il a des pieds carrés. D'accord. C'est-à-dire que les pieds sont à la même hauteur. Lui c'est les pieds mobiles. Les pieds Lego. Lego. En fait les pieds sont exactement, les orteils sont exactement à la même hauteur. Alors que moi, c'est dégradé. Oui, donc si tu colles les deux, ça fait un triangle. C'est ça. Alors, vous avez l'orteil, le plus grand, et tous les autres, c'est un joli dégradé. Ouais. C'est dommage que t'aies pas Facebook, mec, parce qu'on t'aurait fait un petit live Facebook, ça se trouve, t'aurais gagné ta soirée. Mais tu vois, c'est compliqué, tu veux parler d'un truc qui est très visuel en même temps. Et nous, on a la possibilité d'être visuel. Mais c'est les autres qui vont en profiter. Je sais pas si t'imagines, s'il y a d'autres personnes qui aiment les pieds, c'est eux qui vont kiffer leur soirée et pas toi. T'as ni Facebook, ni Instagram, ni rien. On peut pas t'envoyer de photos, quoi. C'est à toi que je parle, hein, Jackson. Hein. Ah oui, je ne sais pas. Mais écoute, c'est pour toi qu'on s'adresse. Je comprends un peu mieux la dernière fois pourquoi on n'avait pas continué, en fait. Je crois que ça avait saoulé à un moment ou à un autre, en fait, parce qu'on est en train de discuter avec toi et je sais pas. Tu disparais, tu te perds. Voilà. Reste dans les pas avec nous. Tu es en train de te caresser pendant qu'on parle de pied ou quoi? Oui, c'est déjà en train de réfléchir. Il est en train de réfléchir? Non, il est en train d'essayer d'imaginer en fait ce qu'on lui décrit. D'accord. Ok. si la fille a une tête vraiment pas sympa, pas jolie, hein, si elle a des jolis pieds, est-ce que ça te va? Non, mais j'ai expliqué les nouvelles et par la suite. Mais t'es pas fétichiste en fait. C'est-à-dire que t'aimes la femme dans son intégralité en fait. Sauf que, par contre, à l'inverse, une nana qui aurait des pieds très moches, en fait, tu kifferais pas, c'est ça? Ouais, bah tu bloques sur un truc. Comme il y a des gens qui aiment pas les poils, comme il y a des gens qui aiment pas, je sais pas moi, les odeurs, certaines odeurs. Oui, bah et c'est quoi ta question en fait? Tu te demandes si t'es normal, parce que franchement, est-ce que c'est normal ou pas? Voilà, c'est la question. Je sais pas. Après, si c'est la question pour être normal, oui, t'es normal. Moi j'aime les oreilles, donc chacun son truc. Hein. Ah oui, alors non, elle aime pas les oreilles, Nessie. Elle aime les lobes d'oreilles. C'est-à-dire qu'elle bloque. Écouter la vie des auditeurs. J'ai pas compris. J'ai oublié d'écouter la vie des auditeurs. Mais la vie des auditeurs, mais tu poses pas de questions, vraiment. C'est compliqué. Et tu réponds à quelle question, les auditeurs? Et puis en même temps, mec, c'est ton truc. Je crois que même pas les gens, ils ont imaginé réfléchir à ça parce que c'est pas leur truc. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vois, c'est moi, c'est pas mon truc, les pieds. J'avoue que je trouve que j'aime bien une femme dans sa globalité, machin, etc. Tu regardes jamais les pieds? Si, tu regardes les pieds, mais de là à me dire, je peux rien faire avec cette nana, vu ses pieds, je sais pas. Et Murphy, t'as vu dans le film? Maman, il dit, ça le fait fuir. Ouais, mais je suis pas comme ça, Nessie. Donc à un moment, c'est difficile de me mettre à la place d'un fétichiste. Toi, tu aimes les lobes d'oreilles. Ça veut dire quoi, Nessie? Ça veut dire que si un mec a des lobes d'oreilles complètement dégueulasses ou moches, qui te plaisent pas, concrètement, tu fais quoi? Déjà, s'il en a, c'est bien, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de lobes. Et donc, les gens qui n'ont pas de lobes d'oreilles, en fait, à un moment ou à un autre, c'est handicapant de ne pas avoir de lobes. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas faire de petits bisous et tu tétouiller le petit lobe. Tu tétouilles les lobes d'oreilles, tu toi. Tu tétouilles les lobes d'oreilles. Bon, bah. Okay. En fait, le mieux placé pour te répondre, en fait, et pour peut-être communiquer avec toi, c'est Sabri, parce qu'il l'est aussi, il aime les pieds, tu vois. Mais en même temps, je sais pas, t'aimes les pieds dans les talons, Sabri, t'aimes quoi, en fait? J'aime les pieds dans les talons, dans certaines sandales si elles sont sympas. Alors, ce que j'aime pas, c'est les ballerines, ça. C'est une horreur. Attends, je cherche le petit. Tu n'aimes pas les ballerines alors, hein? Ouais. Il y en a un qui déteste les ballerines aussi, je crois que il s'appelle Eladj. Sokoman. J'aime pas les ballerines. Il y a deux trucs que t'aimes pas. Les babouches non plus, j'aime pas. Les ongles qui sont pas très très bien taillés. Alors là, c'est. Ça, c'est révoltant. Mais en fait, toi, tu aimes les pieds propres, Sabri. Non, ils peuvent être sales si c'est de la nourriture. Putain, jouer avec de la nourriture sur les pieds. Moi, je trouve que les pieds, en général, c'est jamais très très propre parce que c'est super exposé. C'est comme les mains. Mais exactement, c'est comme les mêmes, mais ça fait toujours plaisir d'avoir une personne en face de soi qui a les mains et les pieds propres, les ongles bien taillés. Et puis tu sais. Oui, mais là, on parle d'hygiène, on parle pas de partie du corps. Alors oui, que là, on a l'impression que pour vous, c'est vraiment une partie du corps qui compte plus qu'une autre. Des pieds sales. Mais qui sont beaux, tu peux toujours prendre ton pied et aller laver. Cette soirée devient de plus en plus bizarre. Ouais, mais si les pieds sont sales, tout le reste doit être lavé. Pourquoi? Parce que c'est quand même. Mais non, mais attends, elle a passé une journée dehors, à Fort-de-France, à Pointe-à-Pitre, à Cayenne. Forcément, à un moment donné, il y a de la poussière. On a Nathan qui nous envoie un petit message sur le web. Il met en location son gros orteil, si ça t'intéresse. Alors, son gros orteil ressemble à un igname tellement il est gros. Bonne soirée. Tu kiffes ou pas? Non. Pas du tout. Carrément non. Non, carrément pas. Et tu vas souvent regarder sur les sites les vidéos spécialisées? Il y en a? Allô? Il a pas internet, mec, on peut même pas lui envoyer une photo. C'est pour ça, en fait. J'ai parlé à Michel à ce moment-là. Attends, je sais pas, je comprends pas tout ce qu'il dit, mais en même temps, il habite au Robert, donc ça, non, Yoshi, ça suffit, hein, ça suffit, ok. Ils sont pas tous pareils là. Ouais. Attends, mais il y a des vidéos où il y a que des pieds. Oui, bah bien sûr, t'as déjà cliqué dessus ou pas, Jackson? Oui. Oui, tu cliques sur quelle catégorie, toi? En fait, t'as envie de parler à la radio, mec. Mais qu'est-ce qui se passe si nous on en a ras le cul de t'écouter en fait? C'est ça ma question. C'est-à-dire que c'est difficile d'avoir une conversation avec toi, Jackson. On prend le temps quand même de discuter avec toi. Mais c'est pour répondre oui, il est ok, c'est cette question ouverte. C'est compliqué en fait. On n'arrive pas à savoir quel est ton type. À un moment ou à un autre, imagine-toi, la nana elle débarque. Bon, imagine que ça soit pas son truc, qu'elle ait jamais entendu parler de ça, ou elle se dit mais le mec il est bizarre quoi. Ok, et tu aides pas forcément à avoir une impression un peu moins bizarre du phénomène. C'est-à-dire que j'ai presque envie de dire que j'aime plus les pieds. Tu vois, voilà, le problème c'est que il y a des gens qui ont peut-être pas forcément envie de s'associer, qui peuvent avoir le même délire que toi, mais qui se reconnaissent pas du tout dans ce que tu es en train de dire en fait. Voilà, je comprends. Ok. Donc c'est important ce que tu nous dis en fait. Tu recherches quoi là? Par exemple, si la nana est derrière la radio et qu'elle se dit je ne le savais pas mais quelqu'un peut peut-être aimer mes pieds. Tu recherches quoi comme profil de pied? Non mais c'est que juste pour savoir. Mais déjà arrête ces putains de phrases qui commencent par non. Bon ok non. Non mais il le fait. On lui dit d'arrêter puis il fait. Non ok non. Quoi, ça commence par bon les gars. Excusez-moi, ok, on te passe Nessie. Oui. Nessie, est-ce que tu as déjà parlé un mec avec tes pieds? Ah, là tu commences à parler. Ok. Eh ben dis donc. Ok. Maman, 45 minutes, frère. Maman, les préliminaires, c'est lourd. Non, jamais. Il a pas tourné autour du pot, il a tourné autour du pied, hein, vraiment. C'était fatigant. Heureusement qu'on a mis un coup de pied dans la fourmilière. Enfin, tu te décides. Bravo, on applaudit Jackson, s'il vous plaît. Bravo. Enfin. Bravo. Donc, en fait, t'aimerais qu'une femme utilise ses pieds pour te caresser. Voilà. Ok. Et toi, tu demandes l'expérience un peu de nana qui l'ont déjà fait. Parce que c'est pas si facile à trouver dans le commerce. Non, je ne l'ai jamais fait. Non, jamais. Mm-mm. Non. Et si par exemple c'était le délire de ton copain, tu l'aurais fait ou pas? Oui, oui, oui. Ouais, volontiers. Elle est pas disponible. Va falloir que tu. Il va falloir qu'il cherche ailleurs. Elle voudrait bien le faire, mais elle le ferait pour son copain, tu vois. Et tu n'es pas son copain. Donc en fait, tu cherches une nana qui serait capable de t'exciter avec ses pieds, d'en jouer un peu mieux. Ok. C'est ça. Voilà. T'aimerais qu'elle te marche dessus? Pourquoi pas? Qu'elle te piétine? Ouais. Qu'elle te donne demande-lui d'abord son poids. Ouais. Qu'elle te donne des petits coups de pied? Pourquoi pas? Qu'elle te griffe dans le dos avec ses ongles de pied? Oh. Ah, t'as l'air de kiffer! Coquin! T'aimerais qu'elle passe ses pieds sous tes aisselles? Qu'elle joue avec son gros orteil dans les oreilles. Qu'elle te pince le bout du nez entre son gros orteil et celui d'après. Qu'elle te mette son talon dans la bouche. Alors moi je finis par dire que t'es plus totalement normal. Non, t'es dans le même délire ou pas? Ah ouais, non, les talons, non, faut pas déconner. Mais tout le reste, oui, en fait. C'est marrant, ils sont mal à l'aise en fait, les fétichistes. Non, mais non, mais pas leur délire en fait. Dans la tronche, quoi. T'arraches pas les petites peaux de des filles. Non. Parce que faut que ce soit sexy, c'est tout, mais pas dégueulasse, quoi. Pas les coups de griffe dans le dos, non. Donc ça s'arrête où en fait, le sexy, et où commence le dégueulasse? Alors, le sexy s'arrête à la pose délicate de part et d'autre de la verge et au mouvement d'aller et de retour. Petite caresse avec, mais pas dans le visage. Non, pas trop loin. Je suis dégoûté, il fait la grimace, le gars. Je sais pas. Moi, je trouve que par contre, vous êtes tous les deux pareils au final. Le reproche qu'on fait à Jackson, c'est un peu le reproche qu'on fait à Sabri. Vous êtes pas si à l'aise que ça en exprimant le truc parce que ça s'explique pas en fait. Ben voilà, mais il y a le visage, non, je ne vais pas mettre des pieds dans ma tronche ou faire une meuf marcher sur moi, non. Mais voilà. Hashtag G97, hashtag GrassFM. Ouais. On va lancer la petite annonce. Est-ce que tu veux laisser un numéro de téléphone ou te joindre si jamais une nana est intéressée par le fait d'utiliser ses pieds? Je peux donner en antenne. Ah non, par contre, c'est désormais un service qui est facturé 250€. Mais si tu veux, on a une formule abonnement. C'est 90€ par mois. Comme ça, on prend tes messages et on te les transmet. 20 97 D'accord. Tu peux donner soit une adresse, soit un numéro de téléphone éventuellement pour te contacter, parce que visiblement, les fétichistes, ou ceux, soit ils s'ignorent, ceux qui sont derrière la radio, soit même quand ils sont concernés, ils ont pas forcément grand chose à en dire, parce que c'est peut-être quelque chose d'un petit peu intime, ils ont pas forcément envie de le partager. À l'heure aujourd'hui, tu allumes ta télé à n'importe quelle heure, t'as une nana qui whine de manière sensuelle, machin. Eux, les fétichistes, attention, chasse gardée. Laisse un numéro de téléphone ou un contact pour qu'on puisse te joindre, mec. Ok. Alors. 87-14. Comment? Il a dit quoi? 87. Tu veux que je le donne à ta place, ton numéro de téléphone? Ok. 06-96-20-97-14. Il est fétichiste. Il est à la recherche de sensations et de femmes expérimentées. Tu as une préférence pour la pointure ? Je vais choisir donc entre 53 et 56. Si vous faites un petit 53 ou un grand 56, contactez-le. 06 96 20 97 14. Il y a des chances qu'il n'y ait que des hommes qui l'appellent, hein, avec une pointure comme ça. Ah, ça, il a pas dit non. Mais. Regarde-moi les fétichistes qui balancent sur l'autre, tu sais, genre. Tu as une pointure que tu préfères ou pas, mec? Jackson. Allô. Oh lolo. Oh là là là là là là. Quelle pointure? Oui, la pointure. La pointure 36. Des pieds. 36? Oui, Mati. 36, c'est pas petit. Non. Ma maman fait 1m49. Tu fais combien, toi? 38. Bon, juste à côté de poitures de plus, tu n'es si. C'est la taille standard, 38. Oh, attention, je suis dans les normes. C'est un petit peu ce qu'il vient chercher aussi, Jackson, hein, le fait de se sentir dans les normes. Hashtag G97, hashtag TraceFM, 0820-203-200, vous le contactez directement. Lui, bah, visiblement, il n'arrive pas à se faire. T'as essayé les sites de rencontres? Non. Non, bah, tu devrais essayer, mec. Il a pas internet. Non, je n'ai jamais plus. Ouais, bon, bah écoute, ouais, c'est la galère. On a donné ton numéro de téléphone en espérant qu'un jour tu puisses prendre son pied. Ou ton pied à toi. Ok. Ok, okay. Bonne soirée, Jackson. Si en plus, il comprend pas les blagues. Bonne soirée, mec. Et ne nous rappelle pas en nous disant on n'avait pas fini de parler du sujet. On a fait le tour là. Hein. Ok, ça marche. Okay. Bonne soirée. On revient dans un petit instant avec du Hey Baby Allo. On appellera avec Kalash les numéros de téléphone que vous nous transmettez. 0820-203-200. On attend vos propositions également aussi. Je crois que c'est Anthony qui nous rejoint également dans un petit instant. Salut Anto, bonsoir, bienvenue dans Génération 97, ça va? Salut, okay. La forme, tranquille. Ça va? Ben oui, ça va. Pourquoi t'es mort de rire comme ça, Frangin? Quoi? Pourquoi t'es mort de rire comme ça? Non, parce que je suis avec des amis à moi, c'est pour ça. D'accord. Ah, d'accord. Ok. Big up les amis. Ok. Ben, ils te chatouillent en fait pendant que tu passes au téléphone. Non. Alors là, pas du tout. On revient. Hashtag G97. Bonsoir à la Sauvageonne également qui est avec nous sur le net. Il y a plein de gens qui nous rejoignent. Il y a Lou aussi, Slaybro, ou Slaybro, je sais pas. Hashtag G97, hashtag TraceFM. On attend vos propositions pour le CK. D'ici là, c'est Calvin Harris. A tout de suite. L'iPhone 7. Tu le veux? Alors rendez-vous la semaine prochaine sur Trace FM avec Japan Games et Yop Never Stop. www.trace.fm. Vous êtes étudiant, vous êtes enseignant. DigiLife vous offre 10% de remise exceptionnelle sur le tarif métropole pour l'achat d'un nouveau Mac. Vous pourrez également essayer tous les iPads et tous les iPhones dans les meilleures conditions et profiter de nombreuses offres spéciales rentrées. Nos experts Apple vous apporteront des conseils personnalisés ainsi que tous les services et garanties que seul un Apple Premium Reseller est à même de vous proposer. Rendez-vous chez DigiLife, centre commercial d'Estreland et sur digilife.fr. Offre valable jusqu'au 15 octobre et soumise à conditions. Trace Tropical et Stonehouse Events présente l'événement le plus attendu de la Caraïbe. L'ex-président d'Haïti, Michel Martelly, alias Sweet Mickey, est de retour avec un live exclusif à Saint-Martin. Un concert historique en artiste invité, Jade, Oswald et de multiples cadeaux à gagner. Prévente 30 euros, disponible chez bisou.com.

fait. Il vient de soulever, à peine levé. Les gros qui brillent, les reins noirs comme l'IV. J'en ai vu des nuits noires, des crimes jamais prouvés. Des photos, des écoutes sales, solides à mon mental. Même devant les vidanges, des bains des vieux. Les gays ils veulent ma peau depuis après l'automne. J'te fais que chanter, ma voix pèse des tonnes. Mais j'aurais toujours approuvé, même en ayant tout fait. Rock à bosse, le disque est doré. Je pleure pour le pays, même si je ne suis pas Charlie. J'ai grandi où il faut respecter la foi d'autrui. Ma voix est dangereuse, mais moi élève ton fils dans la couveuse. Chaque nouvelle saison du mois, car ça sent le haka, son du placard. Musique de perte et de flacard. Écoute mes tracks. Stand up in the motor, bust the dash, bro. Stand up in the motor, bust the dash, bro. Candles burning, money burning, graveyard these niggas. Got them rockin' big dog, rockin', hey. Blood tears on me, whoa, whoa, whoa. Shout it, want that wave, whoa, whoa, whoa. I'm trippin' Cartier, whoa, whoa. Put a gold bird on you, that's what's happening. I put that lingo on her, she was Spanish. I feel a wine leader off the Venice. It's continental and it's panoramic. It's complimentary to the savages. Fuck around with me, it'd be a tragedy. I'm a green baby. Bigga, bigga. Génération 9-7. Génération 9-7. 0820 203 200. Le soir. Appelle, appelle, appelle. Et balance sur Trace FM. On a du Hey Baby Allo qui se prépare tout à l'heure. On appelle qui? La marraine de Cécilia, si je Il a toujours des phrases super compliquées, t'as vu, Sabri, hein? Ouais, un peu. On appelle Cécilia, nous a donné le numéro de sa marraine. Ah putain, ça c'est pas plus compliqué. Mais c'est plus long ce que tu viens de dire. Non, hein. Mais c'est plus simple, c'est surtout plus compliqué. On appelle qui? La marraine de, par contre, j'essaie d'être sûr du prénom. Mais toi, t'es confus. Quand tu parles, t'es confus, mec. Mais non, mais on comprend pas forcément. Alors, exactement. Il faut. Vas-y. T'as vu? Bah. Rien compris. 0820 203 200, ça ressemble à ça le Hey Baby Allo. Allo? Hey Baby Allo. 13 FM. Hey. Et tu veux quoi d'autre encore? Du thé, du beurre au chocolat? A plus. Ça c'était vendredi, le nouvel appel en direct c'est dans quelques minutes sur Trace FM 0820 203 200. D'ici là, on a du c'est qui. Je suis caribéen, mon père est pasteur. J'ai émigré aux États-Unis vers l'âge de 9 ans. Qui suis-je? On a des propositions qui arrivent du côté du standard. Anthony. Oui. Je pense à qui, Anthony? Comment? Là, je pense. Là, il me donne l'impression de penser surtout à sa survie. Tu sais. J'ai pas payé le gourd, mais je voulais juste gagner un cadeau avant de mourir. C'est que le mec, il est en otage. Anthony, ça va? Oui, ça va. Tu es sur quelques... Ils sont combien? essaye de faire fonctionner ta vision. Ouais, qu'est-ce que tu vois autour de toi? Où es-tu? Ben, je suis dehors. Ah, d'accord, dans un grand espace. Comment? Est-ce que tu repères un monument? Oui. Lequel? Le Memorial Act. Ah! D'accord, ok. Tu es donc pas très loin du Memorial Act. Ok, c'est lui qui va consommer ce soir. On voit où est-ce que tu traînes. Non, pire encore. Ah oui! C'est toi qui travailles ce soir! Ah ouais, je travaille pas. Ah ouais, t'es ouais. Sur la chaise là, tu attends. Ah ouais, ouais. Non mais alors j'ai pas compris. Toi t'es celui qui décroche le téléphone pour dire ils arrivent. Ou alors est-ce que tu es le mec qui attend l'appel de téléphone pour qu'on te dise ils arrivent? Je sais pas lequel des deux tu es. Tu es lequel? Aucun des deux. D'accord, ok. Fais-nous ta proposition, frangin. Ok, moi je pense que c'est Wyclef Jean. Wyclef Jean, je connais pas. C'est le frère de Lucy Naïs. Le frère de Lévis aussi, Jean Lévis. Oui, Clef Jean, Josué est également avec nous du côté du téléphone. Salut Josué. Allô. Allô. Ça va? La forme? Ça va bien, merci. Quelle commune, Frangin? Lamantin. Guada, Martinique. Voilà. Ok. voilà. Partout. Les mecs, tu sais, ils s'économisent maintenant aujourd'hui, tu vois. On a l'impression que, par contre, sur les textos, vous payez pas. Sur les WhatsApp, vous payez pas, mais on a l'impression que quand tu leur demandes de d'exprimer un mot, eh ouais, frère, 2 centimes d'euros, 50 euros la navette, je parle pas. Voilà, tu l'as dit, Martinique, voilà. Vas-y, fais-nous ta proposition, tu penses à qui? Alors, Wyclef Jean. Je connais pas. Wyclef Jean. Je connais pas non plus Wyclef Jean. Quelqu'un connaît Wyclef Jean? Non, mais en même temps, j'ai jamais su si on disait Wyclef Jean, Wyclef Jean. C'est très compliqué, mais je pense de toute façon que tout le monde et chacun d'entre nous parle de la même personne. Wyclef. C'est bien lui. C'est la bonne réponse. Alors effectivement, ça dépend si tu le prononces à l'anglaise ou pas. Étant donné qu'il est haïtien, tu peux dire Wyclef ou tu peux dire Wyclef. Tu peux dire les deux. De toute façon, c'est deux bonnes réponses. On va vous filer des cadeaux à tous les deux. De toute façon, vous n'êtes pas dans le même département. Bah, bonne soirée les gars. Et puis Anthony, c'est combien en ce moment là? Je sais pas c'est combien. Hein. Venez découvrir sur place. Attention. Pour un acheté, le deuxième est offert. Bonne soirée mec, c'est la promo du moment. Ciao ciao. Hashtag G97, hashtag TraceFM, on revient dans un petit instant avec du Hey Baby Allo. On se prépare également à d'autres jeux évidemment dans la soirée, vous débarquez. Il y a pas mal de monde aussi qui nous rejoint du côté du web. Oui oui qui tweet est connecté avec nous. Un petit bonsoir également à Wade Mania Musique. On n'a pas du discutable talent ce soir, il n'y a pas des gens qui ont du talent, qui ont envie de le montrer aux autres. Hashtag G97, hashtag TraceFM si c'est le cas, vous vous inscrivez, vous nous envoyez un petit mail, on a d'autres breaking news qui vont pas tarder. Et tout à l'heure le sexe confessionnal, à tout de suite. Tu peux me mettre ça, VJ Ben. Ok, tu peux me mettre aussi, ils m'ont demandé Set It, DJ Fly et Cécile. Tu peux mettre ça aussi? C'est bon, c'est cool. J'aime bien les DJs. Si, tu, voilà, c'est ça, c'est comme ça que tu me réponds. Tu me réponds avec un coup de klaxon. Ok. Bon, Set It, c'est bon alors. Ok. Ok, Set It. Tu peux me mettre Kalash, Frimi. Est-ce que tu peux me mettre le remix de Kalash, la version du poisson? Y'en est frimi à dents en poêle. Ah non. Non. Mais les gens l'ont demandé aussi sur le web, démerde-toi. On m'a demandé Poplan avec Free Up. C'est important d'avoir du Poplan, l'effet friade. C'est bon? Tu as ça? Fais voir un peu ta conversation quand on discute avec toi. Comment tu dis oui? Tu dis oui? Non. Non, là tu dis non. Bon, c'est mieux quand tu mixes, mec. Allez, lâche-moi le premier son. VJ Ben, on revient juste après. Madag, Wada, Yana, tout de suite. Big up Tijon Sound, Big Bad DJ. Quiero ser un belge en forme, envoyer tout le temps. Si nous qu'est-ce pour un life, passons-le tous les jours. Pour baisser le sens, si j'en me veux tous les jours. Et qui a moins chal viré depuis le départ? Senti moins bien aller tous les jours en vérité, wow. Y'a nous qui aille là où veille. Ou bas qui qu'est en moins, elle veut mettre sentiment en otage. Y'a nous c'est en belle jeune femme. En vie pas où rester seul. En qui fait tout pousser comme moi. En foi c'est là qui rété derrière. Et nous qui flexons, qui fait des mounes. Et qui a dansé en qu'a senti moins bien. Qui pour aller sans retour. En nous pas tout pour nous. Yo, car j'achèverai pour mettre ma ginger. Binge, police l'a dit que mon café top zen. Mais t'es pas là, Marie m'a dit moi on y doit, c'est la peine. Juge là, puis on fait pour moi là, je le compte plus mineur. Puis t'es matin, ouvre la porte, regarde chez moi, y'a besoin de l'acné. Yo décidé que c'est moi qui vend up. Fouillez, trouvez, balayez, pis glop. Montrez-moi une photo, on va connaître ça. Où j'en connais nous, même nous pas des lance-bas. Où va les pas les garçons? Allez dormir la nuit de la débarque. Comment vous montrez la joie à la fille? Mon pardon parmi fille. Mon rail c'est mettez le vel à tout de ton prédit. Ton pic la radio cabane et ton dépôt plein de gamme. Mon frère dit la joie à la fille. La femme vit free up man. Mon rail c'est mettez le vel à tout de ton prédit. Ton pic la radio cabane et ton dépôt plein de gamme. Sarah Baye rendez-vous centre pénitentiaire. Yo si mes bas nous semi-liberté, permission, refusez mon dire, rien nous pas fait. Surtout là yo talon est pour pousser. C'est bête à la cababo mal tête. Parfois bat baya carré dit sophie. surtout l'homme à game, tu pour la tête. En commande, j'ai tiré une haine. Ou son friend qui l'a joué la frio. Bon petit, j'ai frio, man. Mon rail, j'ai mettez le bel à trito. Petit, ton pute la radio, cabaye, ton dépôt plein de gavao. Ou mon friend qui l'a joué la frio. Mon badot t'a la frio, man. Mon rail, j'ai mettez le bel à trito. Petit, ton pute la radio, cabaye, ton dépôt plein de gavao. Relax on my money, set it, set it. Broke off my back, yeah. Set it, set it. Set it, voilà ma mamadé, voilà ma mamadé. La vamos me set it, set it, set it. Benita, set it, set it, set it. Voilà, set it, set it, set it. Watch out, me set it, set it, set it. Boy, why my body men are stiff like soja? Deal with that, make the booze take you over. And the ball, you not care if you're sober. Jeans qui a mal parlé, mais nous pièces pas en et si on les suspect, qu'on t'a représente, girl. Toi, mon nez on point, mon shape on point. Chaque côté, mon passé, mon toujours on point. La mobilité que mon gang est biché on point. Caribbean girl, I look around the town. Chaque côté, mon passé, mon toujours gangster. Mon billet, ça qui a pété les têtes non-stop. Mon toujours qu'à venir que des different steps. Chaque son, mon casse un petit cabaye, different tap, non funky. Faut pas moller la mouka flasque, et mon girl. Faut j'en savais qu'il y a un look around the world. Faut pas moller la mouka flasque, et mon girl. Caribbean girl, I look around the world. Fresh, got Amazon pearl. Bad girl, cabaye au mal dead. Jeans qui a mal parlé, mais nous pièces font layer. Et si on disrespect, mon car represent girl. Nous cabons, y'a bien les bandes inside. Full money pull up dans nous cabas side. Nous cas amusé, y'a pas j'ai gain pièce job. Dans nos rivières, on côté, y'a pas j'ai gain pièce flop. Nous cabons, y'a bien les bandes inside. Full money pull up dans nous cabas side. Y'a pas boulet, j'ai gain pièce. Tout ce qui tourne, y'a gain pièce job. Y'a l'ens fait du côté à Vindal, qu'a pas foutu mon sang, man, côté ça, mon gars, j'a vu. Y'a des guillemets, mon dead man, des guillemets, flat, real bad man, pas qu'à check. Pas juste Babylon, pas juste politician, pas ça, yo même qu'a bail gun flat. À cause d'une bullet, bullet, bullet, bullet, bouboul, ghetto, you déjà die, déjà die. Moto qui bullet, bullet, bullet, bullet, hop, maman, t'es jaga cry. À cause d'une bullet, bullet, bullet, bullet, bouboul, ghetto, you qui j'a die, déjà die. À cause d'une bullet, bullet, bullet, bullet. Hop mama qui j'ai gâte moi. Pour y'en stop blow, the people them. Arrêtez mentir, on les écoute you them. Passa par un tune, tune. Café Mundo Vim fou en plus mon page web. Yes, gun tiré tout seul. Question, treat nice, say find number one of mine. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your stuff. The only man she want, yeah. Our man says she very special, yeah. Very special. Like a giant. Front line, nah, nah. If we buy her the world in a start, the house and the car. Still she won't give me the thing in and the restroom and the bar. Hey, she willing for one for the pool. Willing to give me any way for the tool. All when you must search a bar for one, a popcorn, a every ringtone. We have everything. First time friends said the relationship poor. As him talk and turn him back, she a link up over both more. The last have every him a go shoot, say him a go shot, but Fran a the only man she want, the only man she want, yeah. Say she cheap, say him a go cheap. Say she a go weak, say him a go beat. But me a the only man she want. The only man she want, yeah. Everything for you, ooh, a lead. Everything for you, ooh, a name. You go through the way I can chew a limb. The good, good wife, you are one of these skittle bomb them, gal. Remember me no eat that, gal. Put the ring finger, you for free that, gal. When you see me, you look at the real ad, gal. And if a dollars, the man give me that, gal. Cause he man a rum is me, I'm the right wife. So he man free me, I'm the other night. Bang, bang, sexy and, sexy and, sexy and wrong. Sexy and wrong, and wrong. Bang, bang, bang, a weird pan, a weird pan. Aki walk me, she a weird pan, pan. She a weird pan, pan. She a weird pan, pan. She a weird pan, pan. Aki walk me, she a weird pan, pan. She a weird pan. What a girl from Cassava. Well, what a girl in a the Grand Spin area. Then say me a saw like newspaper. And a town, a town, a women, women, women. Don't know say we are on the place and the clap, then have a clue. When the shot a road, that when the end them a go do. From your distant pattern, you miss none of the shows. If you see tomorrow, they come on a broke your road. So when you see them, call me name, make you reach back to me. So we go to the guy, go up, up, up, put here in a share. Burn up a grass side, we no response, we no care. And we no mini boss, so we no need to carry fear. Bag a mother chat, bag a mother chat. But break a we no cake, we no never be good. But we no listen to for that, who no say I don't feel that. Me man a call the public, cause I'm at them come my man. So no giving a shot, no giving a shot, no giving a shot, no. And if I need to make a search, can I just give me the mop, nah. So no giving a shot, no giving a shot, no giving a shot, no. Freestyle à la paix, papa, puis je vois ta tête qui bouge. Freestyle à la paix, papa, puis ta femme bouge aussi. Ipani non, mais à capri, je vois ta tête qui bouge. Freestyle à la paix, papa, puis ta femme bouge. Mandez moi, puis ma cabelle à ma sali, nanana. Mon nom, c'est nanana, mon bout de temps, les grands nanana. Il va viser nanana, c'est nanana, ça va bien, t'es nanana, du cuir, fuck. Freestyle à tout mon nanana. L'œil va les monsieur, le molé, on va les dire nanana. Le soir, ta radio se lâche. Tu peux tout nous dire. Trace FM, génération 97. Ta liberté d'expression au 0820 203 200. Sur Trace FM, on s'apprête à faire du Hey Baby, allô, c'est Kalash qui va vous appeler tout à l'heure. On appelle qui Sabri ce soir? On appelle la marraine de Cécilia. Ta phrase est encore compliquée, mec. Je t'ai déjà expliqué ça tout à l'heure. Mais putain. Cécilia. Mais non, moi j'ai compris ce qu'il a dit. Hein. Cécilia ouais, nous a donné le numéro de sa marraine qu'on va rappeler tout à l'heure. Ça c'est pas compliqué. Non, mais téléphone Hugo, marraine. Hugo, Cécilia. C'est logique qu'ils comprennent parce que déjà ça fait trois fois que tu l'entends la phrase. Ok. Déjà. Bah toi aussi. Oui, mais je dis pas que j'ai pas compris ce qu'il veut dire. Je dis qu'il peut mieux le dire pour la personne qui n'a pas entendu les trois précédentes fois. Ok. On va appeler qui la marraine de Cécilia. C'est compliqué. T'es fou. Je sais pas, ouais, peut-être que je suis un peu chiant ce soir. Je sais pas, je reconnais. Ok, d'accord. Et si on va faire quoi d'autre? Bah, il y aura du signal la pièce tout à l'heure. Ça, c'est pour aller voir le premier film du Watibé. Ça sort dans quelques semaines, mais il y a une avant-première trace avec les forfaits sapés. Bah, yes, c'est le 12 octobre. On vous offre vos invitations, que vous soyez plutôt Rex, Madiana ou encore Agora. 0820 203 200. Premier arrivé, premier servi. On compose le numéro de téléphone de la marraine de Cécilia. Voilà. Ça vous va? Oui, parce qu'en fait, vous pouvez nous donner les numéros de téléphone. Qui que vous soyez, que la personne aime Kalash ou qu'elle la déteste, qu'elle soit incapable de reconnaître la chanson ou qu'elle la reconnaisse, ça nous intéresse, vous balancez les numéros de téléphone en antenne au 0820 203 200 et en PV sur le web. Ça sonne pas. Heureusement qu'on nous a donné le numéro, hein. Allô. Hey baby, allô. Oui. Boudéon. Ben, vous m'appelez, c'est qui? Pardon, Amdoula. C'est qui au téléphone, là? William. Ben, vous faites au fric. J'ai pas l'autre pour jouer, hein. Bon. On va pas en rester là, on rappelle. Yes. J'ai

fragile, va. Estelle B. Trace FM et le forfait sapé by SFR offrent l'avant-première de La Pièce. Estelle B et Linda, d'ailleurs, qui sont un extrait de la bande originale du film La Pièce. On vous propose de le découvrir le 12 octobre prochain. En avant-première, séance privée avec les forfaits, ouais, sapé by SFR. Yes, c'est à 16h, tu cales ça dans ton planning, on te met les popcorn à disposition, tu viens avec les personnes de ton choix parce que tu peux gagner jusqu'à plusieurs invitations en même temps. On a Toto qui nous rejoint du côté du standard. Bonsoir Toto. Allô. J'ai entendu plein de choses, plein de bonnes choses sur toi. Des choses qui m'ont fait rire aussi, Toto. Toto, tu nous dis... Ah, c'est moi. Ouais, ouais, c'est... c'est Toto qui débarque sur Trace FM. Ouais. Et tu sais ce qu'il, nous dit? Il nous dit, ah, c'est moi. Mais là, ça va, c'est moi, ça va, c'est ça. La trace roulette tourne, frangin. Ok. Tu dis stop quand t'es prêt. Stop. C'est Toto sur l'antenne de Trace FM. On lui dit, tu dis stop quand tu veux, mec. Et Toto dit stop. On dit... Bah tu repars avec tes deux places, Toto. Deux places pour aller voir le film du Watibé, ce sera le 12 octobre prochain. Tu es sur quel département, Toto? Guadeloupe. Bon bah tu vas voir ça au Rex ou au Tarbo, comme tu veux. Au Rex plutôt? Ça dépend. J'aime bien Hugo. Des fois, t'as pas le choix. Hein. Tu veux te faire un kiff, va au Darbo. Le mec est en grande terre. Bah, tu vas voir, allez. Va faire un petit tour au Darbo, ça peut être cool. Ça peut être très très sympa. Tout le monde rigole là. Bref, on te met tes invitations de côté, frangin. Passe une bonne soirée avec les Pagnards. Ok, Tima, prends soin d'air. À plus tard. Le coup pour rire de la rentrée en avant-première Trace FM avec le forfait sapé by SFR. Forfait sapé by SFR, ça le fait. On a des breaking news qui débarquent sur Trace. On parle de quoi? Bon, on parle de Matthew quand même. Matthew, parce la tempête. Il est pas mort, hein, il continue sa trajectoire. Malheureusement. La tempête est hallucinante. Et c'est là où on se rend compte qu'on l'a échappé belle hein, quand même en Guadeloupe et en Martinique, même s'il y a eu quelques petits dégâts. C'est quand même assez impressionnant ce qu'il a provoqué, notamment en Jamaïque. Jamaïque et Haïti. Alors il s'est renforcé et il serait plus fort depuis ses 9 dernières. C'est le plus fort depuis ses 9 dernières années. Ouais. Plus fort des ouragans. Il est classé catégorie 4. Il va sans doute provoquer des inondations, des glissements de terrain, des hausses au niveau de la mer. Et il y a des vents qui vont souffler à 260 km/h. Quand même. Il est même allé jusqu'en Colombie. Alors moi, j'ai pas compris cette histoire parce qu'on en délirait ce week-end en refaisant le tracé en fait de la tempête. Possible, hein. Le truc, il a frotté en fait en Colombie pour revenir après vers la Jamaïque et redescendre sur Haïti. Les îles colombiennes, ouais. Il a fait un tour complet dans la mer des Caraïbes et là il remonte un sacré globe-trotteur. Il avait envie de se faire les Caraïbes. Ah ouais, mais il s'est fait les Caraïbes. Alors les vidéos qui circulent qui sont assez impressionnantes, c'est les vidéos du niveau d'eau avec des crues énormes, monstrueuses qui déplacent les bagnoles. La Jamaïque paye un lourd tribut, mais Haïti encore, j'ai pas l'impression d'avoir vu beaucoup d'images pour l'instant d'Haïti, mais parce que c'est très très chaud le réseau. Haïti, très abîmé. Il y avait déjà un mort et deux disparus à 17h. J'espère que le bilan est pas plus lourd à l'heure à laquelle on parle. C'est quand même assez incroyable. On a l'impression que quand il y a un petit truc qui traîne pas cool, tu vois, c'est pour Haïti. Mais en même temps, on peut pas le dire complètement là cette fois-ci parce que Jamaïque aussi, ils ont bien morflé quoi. Il est passé partout. Hein. Il a commencé par la Barbade, il a fait un peu la Guadeloupe, un peu plus la Martinique, la Colombie. Je dis ça éventuellement à nos amis qui travaillent à la police des airs et frontières. Fouillez-le quand il revient. Il s'appelle Matthew. Il s'appelle Matthew. Il a probablement des trucs dans les poches. Il est en route vers la Floride. Je dis ça, je dis rien. Il est quand même très suspect ce cyclone. Quoi d'autre dans les breaking news? Tamilia, la petite qui a participé à The Voice Kids. Elle est Saint-Martinoise, ouais. Ouais, elle est arrivée. On l'a eu il y a 10 jours au téléphone. Elle est en demi-finale. Demi-finale de The Voice Kids. Ouais, ce sera une finale 100% féminine pour Matt Pokora qui est leur coach. Tamilia et Manuela, elles sont. Voilà. Ouais, Manuela, c'est la plus petite. Okay. La plus petite. Compétition. Elle est bonne aussi. Enfin, elle chante bien. Heureusement que c'est pas moi qui dis ça. Ah ouais, parce que ça serait super elle mal passé. Elle chante très bien. Quoi d'autre dans les breaking news? Il y a un pigeon qui a été placé en détention, c'est en Inde. Donc il vient apparemment du Pakistan. Il transportait des lettres de menace et le pigeon a été placé en détention. Je crois que il me semble qu'on a une déclaration du pigeon. Et il compte vous libérer bientôt. Non mais franchement c'est fort quoi, c'est très très puissant quand même. Bref. On va parler du collier choker, vous savez ce que c'est? Ah c'est quoi? Alors je vais publier la photo. C'est un collier qui revient un peu à la mode, hein. Toutes les jeunes filles portent le collier. Ah c'est le collier qui est très très proche du cou. C'est de la dentelle ou un matériau? C'est en plastique. Okay. Et apparemment ce collier c'était le symbole de la prostitution à la fin du 19e siècle. Sympa. Et ouais. On le voit d'ailleurs dans un tableau de Manet en 1861. C'est l'Olympia de Manet. Ah oui, et je l'ai vu ce film. Il est bête. Et ça pouvait signifier aussi le lesbianisme à la même époque. Ah okay. bien, ça fait un joli cocktail tout voilà, ça. Voilà, donc tout le monde porte ça. Attends, je vais demander, on est en pleine Fashion Week à Paris. Maureen, c'est comment il s'appelle ton collier? Le collier comment? Nessie? Le choker. Le collier de choker. Ouais. Choker. Le collier de choker. Mais oui. D'accord, ok. Le collier de choker, c'est vraiment, vraiment bien. C'est vraiment tendance là. Non, pas vraiment. C'est Nessie qui aime bien, qui essaye de relancer le truc en fait. Je vois plein de gens avec ça. Ah, donc tu vois plein de gens avec ça. Mais oui. Et bizarrement, c'est aux Antilles-Guyane, c'est chaque fois que je passe devant un miroir, je vois quelqu'un avec le même collier que moi. Qui me ressemble. Mais non, moi j'en ai pas. J'aime pas du tout. Non, ça t'irait pas? Si, avec les significations que tu as données, ça devrait le faire. Hein. Non, pas du tout, justement. Donc ça, c'est pas vrai. En fait, c'est pas du tout la star de la Fashion Week, cette même semaine. Rihanna, le collier. Ah. Mais Rihanna, oui, elle peut. On a quoi d'autre dans les breaking news? Tu devais pas parler de quelque chose, toi? De l'accident. Ah oui, on est du côté de la Martinique avec cet accident. Ouais, il y a eu un accident en fin de journée. Alors, ça impliquerait une bâchée avec un jeune qui c'est était pas ça à impliquerait, c'est les photos ont circulé, c'est qu'on voit clairement une bâchée et un mec en dessous en fait. Après, je sais pas qui a provoqué l'accident, mais d'après ce qu'on m'a dit, il serait mort et. Attends, demande à une source policière qui est pas très très loin de nous. Ouais. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est bien ça? C'est le petit jeune qui est tombé en dessous? Il essayait de régler sa moto sur l'autoroute. Sur l'autoroute. Alors. Et il est tombé en dessous. Pas de casque, évidemment. Ouais, il regardait l'esthétique pour voir. Il n'y avait pas d'esthétique. D'accord, ok. Ça fait un mort de plus. Mais ça fait pas rire, Keshi. Pourquoi tu ris? Quoi, je ris pas? Si tu en ris. Non, je me disais, regardez peut-être son pocket, je sais pas. Bah, tu. En même temps, il a commis une erreur visiblement sur la route et du coup, il en a payé de sa vie en fait. C'est chaud quand même, hein. C'est dommage. C'est. En même temps, ça peut arriver à n'importe quel motard, hein, aussi, Keshi. Ah non. Pourquoi? Non. Pourquoi? Il y a deux catégories. Tu as les chauffeurs de scooter, les imbéciles. Non, les chauffeurs de scooter. Et tu as les motards. On va les motards, tu peux pas tous les mettre dans le même panier. Lors de ton enterrement, on va te citer. Va plus loin un petit peu dans ton point de vue, en fait. Les motards, c'est un mode de vie. Tu as quand même un code à respecter. Tu as une conduite à avoir. À quoi on reconnaît un motard d'un. Déjà, au niveau des équipements, un motard, normalement, il est totalement équipé. Il a les gants, le casque, le blouson, même le jean et les chaussures. Et les tresses ou la coupe rasée qui va avec. Et donc, en fait, concrètement, on reconnaît le chauffeur de scooter, comme tu l'appelles, le chauffard, en fait, grosso modo, il a pas de casque parce que ça risque de le décoiffer. Voilà, il a une casquette, un débardeur. Des locks, c'est un débardeur. Là, le délit facial, loin dans le cliché. Non, j'abuse, mais généralement, c'est ça. Ils n'ont pas un habit adéquat, quoi. Et surtout des sandales. Donc, en fait, quelque part, tu fais partie des gens qui ne sont pas forcément émus par ces accidents quand ça arrive, parce que tu te dis que quelque part, à un moment, il n'a aucune chance d'en réchapper. Et il joue, en fait, finalement, avec sa sécurité, quoi. Voilà. Surtout que les gars comme ça, ils roulent pas, genre ils restent pas sur leur voie, ils font des zigzags, ils s'amusent, ils cabrent sur l'autoroute, donc voilà, ils cherchent leur truc quoi. Tu sais ce qu'ils cherchent parce que c'est de l'adrénaline probablement qu'ils cherchent. Oui, mais tu fais ça sur un parking, sur un circuit, mais pas sur la route. Là où il y a des automobiles. Les gars. Il a grandi hein, Keshi, hein. Il a mûri hein, c'est incroyable hein. C'est C'est sympa, hein. Ça fait plaisir. Ouais, au moins on sait que chaque fois que tu parles de la radio avec ta moto, on a pas de quoi s'inquiéter, quoi. En même temps, il y a des gens qui disent très clairement que le casque ne sauve pas la vie. Tu partages ou pas ça, ce point de vue? Ça dépend du choc. Elle ne sauve pas la vie, mais elle te protège quand même surtout de la chute. Ok. C'est primordial. Tu penses que ça aurait changé quelque chose qu'il soit équipé différemment, là, ce gars qui est passé sous la bagnole? Je pense pas. Je pense que même si on est équipé, on peut mourir de toute façon. Ouais. Après, tout dépend de ta conduite. Moi, je dis, ce qui vient en premier dans ta sécurité, c'est ta manière de conduite. C'est ta conduite sur la voie publique. Au moins, quand tu mets le casque dans le cercueil, on te reconnaît. On n'a pas besoin de faire un gros maquillage. Oh lolo. T'as tué Keshi, là. Pas besoin de faire un gros maquillage pour que ta maman te reconnaisse. Ouais, ça dépend, ta tête peut être écrasée. Même avec le casque, hein. Le casque aide un peu quand même. À écraser. Mais non, à préserver un peu ce que tu as, ta tête. Oui. Mais oui. C'est le but. Ouais, mais tu vois, à ce moment-là, quand tu dis un truc comme ça, mort pour être mort, il y a des gens qui te disent, bah autant pas mettre de casque. Mais c'est ce qu'il a voulu dire. Il a dit, oui, le casque, on peut mourir quand même. Non, ça préserve beaucoup. Oui, mais lui, il choisit de le mettre, tu vois, parce que le casque va le sauver dans certaines situations. Mais les gens qui ne mettent pas de casque, par exemple, disent souvent que ça ne te sauve pas la vie, en fait, un casque. C'est pas vrai dans tous les cas. Après, le casque ne peut malheureusement pas sauver la vie systématiquement. Voilà. Mais vaut mieux le mettre. Après, le petit jeune qui a eu l'accident, apparemment, il avait le casque. Ah ouais? Oui. Mais quand il faisait la vérification, il n'avait pas sur lui. Bah ça dépend, parce qu'il y en a qui mettent leur casque, mais ils n'attachent pas le casque. Quand tu tombes et que tu l'attaches pas, ça s'en va très vite. Bah oui. Ça sert vraiment à rien. C'est vrai. Et au final, là, il y a une loi qui vient de passer là sur le fait que désormais vous allez devoir porter toi tu portes déjà des gants, mais pas tout le temps, c'est ça? Non, c'est en commande. T'as commandé des gants spéciaux pour ça? Des gants obligatoire en fait de porter des gants en fait quand on conduit une moto en fait. Autant pour le chauffeur que pour le passager. C'est stylé. Passager aussi? Oui, c'est obligatoire. Et si le passager n'a pas, il me semble qu'il a une amende. Combien? 135. Oh là là. Et combien de points? Oh là là. Ça coûte combien une paire de gants? 50€? Ah non. Ça coûte peut-être 135 aussi. Plus que ça. Oui, des gants bas de gamme, c'est minimum 60€. Mais t'as pas de protection. Là, si tu montes avec des renforts, protection au niveau des poignets, imperméable et... Et les gants jetables pour faire le ménage. Tu veux... Non? Non, ça... Enfin, je sais pas. J'ai voulu tester avec des gants de cuisine, mais... Tu peux pas mettre des moufles? Des moufles, Nessie? C'était une blague, hein. C'était super. On applaudit Nessie, s'il vous plaît. Ouais, c'était bien, c'était cool. Ça va, ça va. Vas-y, mets-lui sa musique. Ah, c'est bon. On peut conduire avec des moufles. Merci Nessie. Tu peux me mettre un petit brocoli, s'il te plaît. Un petit brocoli, un petit Big Daddy. On revient. Hashtag G97, hashtag TraceFM. Qu'est-ce qui se passe dans la prochaine demi-heure? Qu'est-ce qui arrive, Sabri? On a du sexe confessionnal. On va appeler Lilou dans quelques minutes. Yes, Lilou qui malheureusement peut pas être avec nous ce soir. Elle est bloquée là où elle est. Je suppose qu'elle a un rendez-vous coquin. Vu ce qu'elle fait et qu'elle assure toujours ses rubriques pendant les rendez-vous coquins, on tolère. Mais ça fait travailler notre imagination. Reste avec nous tout à l'heure pour cette rubrique. Qu'est-ce qui se passe d'autre? On va tenter une autre fois du Hey Baby Allo. Et puis on parlera également de la Yoshi Strophe. On reviendra sur cette vidéo qui a traîné sur le web, notamment de cette maman réunionnaise qui a corrigé son gamin. C'est quoi l'histoire à l'origine? Alors le gamin a volé quelque chose et il est convoqué devant un tribunal par rapport à ça. Ah bon, gamin, t'es gamin encore. Non, mais même si tu es enfant, minimum 16 ans, tu peux comparaître devant au moins... Mais qu'est-ce qui se passe? La maman décide de le punir en direct sur live Facebook, ouais, c'est ça? Un live Facebook, en fait, sur son compte à elle. Et elle lui dit que puisqu'il veut se rendre intéressant, elle va le rendre vedette sur Internet. On regarde la vidéo, on vous la publie aussi. Hashtag G97, hashtag TraceFM, vous nous dites ce que vous en pensez. D'ici là, c'est Tijo qui prend la relève. I'm beyond all that bullshit. Hey, hello mama, would you like to be my sunshine? Nigga, touch my game, we gon' turn this shit to Columbine. Ice on my neck, cost me 10 times 3. $30,000 for a nigga to get free. I just hit Rodeo and I spent like 10 G's. I just did a show and spent the check on my mama. When I go and vacay, I might run out the Bahamas. And I keep like 10 phones, then I'm really never home. All these niggas clones tryna copy what I'm on. Nigga, get your own, tryna pick a nigga bone. Wait till brother Skip, boy, I had had a good day. Metro PCS, trapping ball, making plays. 50 Shades of Grey, beat that pussy like a Hogan. I know you know my slogan, if it ain't about guap, I'm gone. It's hitting cause I'm chosen from the concrete I had rolled. Shorty staring at my necklace cause my diamonds really froze. Pick up in her pussy, bet she feel it in her toes. I'm a real young nigga from the 6th throwing balls. I'm a real young nigga from the 6th and Bows. Real young nigga from the 6th and Bows. In the middle of the party, bitch, get off me. Goddamn. In the cut, I'm rolling up my broccoli. Goddamn. Yeah, I know your baby mama fond of me. Goddamn. All she wanna do, même à travers fumé, tu charges, j'y vois net. J'y vais pour rien vous parler, on voit net. On est nous, nos 200 filles, rendez-moi mon coup. J'suis au téléphone sans fil, zère, mon coup gros sous loulou. Qui a dégain, 5 à y'a bête, mon homme, clenchant, j'suis sous louloul, j'suis sous louloul. A bout de sujet, ok, j'retire qu'à gouloulouloul. Toute ta carrière, elle est bidon. Tu m'as vu à la télévision, sur ma télévision. Mets-moi tout en amont, fini, momie, tout en camon. Après le show, les plus canons finissent dans le camion. Mon super héros, chaque cas sous loulou, c'est pas bel mondo. Tu suces pour un louloulou. Jamais vu comme la Goa Colombo. Nique ta grand-mère de côté de ta mère avec la putain Mutombo. La putain Mutombo. Mutombo, Mutombo. Ouloulouloulou. J'faisais de l'oseille comme s'il en pleut. Avant que mes anges ne naissent, si je vois la vie en bleu, c'est comme un trip Los Angeles. Ouloulou. Gros cul, elle s'en va, ça l'est gros, elle s'en me taire. 13, bonheur ou malheur, car là j'suis sur la canne bière. Et toi tu meurs comme Alonso, sur terre, terre sans ballon d'or. J'suis au Pérou, café noir, allez, carte ou malon d'eau. Time, yeah. Society make black man bleach him skin. Can't sleep near job but me see a shark fin. Your pussy are the best place for earth. Your pussy are the best place for earth. If you're in a Miss World, you come first. You're hotter than a bird. She get murdered. Man, I push badness. No worry. Shout to the fire more time than a cup of porridge. Cause your pussy are the best place for earth. Your pussy are the best place for earth. It coming like summer in a Paris. Tight like a traffic. Your titty them a farin. New York, Miami. Your body super cali. Flashy, this thing is piali. Do a shot sour this. Foot on no damage. You want a married man and you want a bachelor. Forget a bachelor, you a fi go a college. Me get kick out of school, but me go a jammies. Diamond in a me chain, slavery abolished. Your pussy a the best place for earth. Your pussy a the best place for earth. If you're in a Miss World, you're come first. You're hotter than a bird. Yeah. Gangsta girl, me love me gangsta guy. Gangsta guy. Kinda chick girl, ride or die. Well, that's for you, take up for you. That's just the way I ride. I'm a gangsta girl, me love me gangsta guy. Kinda chick girl, ride or die. Well, that's for you, take up for you. You got a soldier by your side. Your feet wet, true love's about the bitter with the sweetness, sweetness. Gangsta girl, me love me gangsta guy. Kinda chick gal, ride or die. Well, that's for you, take up for you. That's just the way I ride. Say I'm a gangsta girl, me love me gangsta guy. Kinda chick gal. Cécile, dans Génération 97 sur les platines de T-shirt. Prodigio Sound a été vendredi soir avec nous. La vidéo de son passage dans le studio de Génération 97 est disponible demain sur www.trace.fm. Bientôt en Guyane, Martinique et Guadeloupe dans cet ordre précis. Ce sera 10 et 11 et 12 novembre prochain. Baby, breathe on me tonight. She said, ooh, she never felt so right. On revient dans une poignée de minutes avec la Yoshistrophe du jour. Il est tombé sur une vidéo d'une maman réunionnaise qui corrige ses enfants comme on a l'impression qu'on ne les corrige plus chez nous. En même temps, est-ce que ça va trop loin? Est-ce que ça vous choque? Elle a utilisé live Facebook contre son propre fils qui visiblement avait fait une connerie, risqué un jugement. Elle a corrigé tellement il voulait être une star en fait. Elle a dit bah, pourquoi pas le corriger sur le web. C'est le comble de l'humiliation. Vous avez vu peut-être ces images. Nous aussi on regarde la vidéo. On en discute dans un petit instant dans la Trace Radio. On revient également avec du sexe confessionnal. À rester vigilant. Il y a du Big Quiz. C'est quoi qui arrive? Big Quiz, ça arrive. Il y a plein d'inscrits. 0820 203 200 également sur le net www.trace.fm. Par texto vous envoyez Trace suivi de votre message au 97 000. L'iPhone 7, tu le veux? Alors rendez-vous la semaine prochaine sur Trace FM avec Japan Games et Yop Never Stop. James Bond, Mr. and Mrs. Smith et Jason Bourne n'étaient pas disponibles. Alors pour sauver le monde, il ne reste plus que... J'ai un plan. Ça pourrait peut-être nous tuer tous les deux, mais dis-toi que si ça passe, on va devenir de vraies légendes. C'est cool. Non, ça n'a rien de cool. Dwayne Johnson, Kevin Hart, agent presque secret. Cet été, on sort les gros calibres. Agent presque secret, actuellement au cinéma. I'm sorry. Mister SM, en sonnerie exclusive sur ton phone. C'est maintenant et c'est direct sur ton mobile. Envoie Mister par SMS au 98 000 et télécharge la sonnerie, l'alerte SMS ou le réveil. Mister au 98 000, service édité par Access Interactive. 1,50€ plus coût du SMS, 12 SMS max. Ce dimanche soir, entre 19 et 22h, Trace FM te rejoue le meilleur de Génération 97. Le replay. C'est le replay de Génération 97. On va parler ce soir. Dirty Talk. Dirty Talk. J'avoue être sensible aux gémissements. Pas n'importe quel gémissement, parce qu'il y a des gémissements qui sont vraiment horribles. Puis pour nos japonais, j'ai du mal. Moi j'adore. Et t'as qui passage? Génération 97, le meilleur de la semaine. La crème de la crème des conneries de la semaine. En rediff ce dimanche soir entre 19 et 22h sur Trace FM. Le replay de Génération 97 aussi dispo sur trace.fr. Trace FM. Génération 97. Le soir, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. 0820 203 200. Sass. Mada, Guada, Yana, vous n'avez plus le choix. Ah. Hey, hey. Ici et là. Oui. Sabri, Yoshi, yes. Hugo, Keshi. Yo. Tu joues et pas en forme hein, ce soir. T'es malade? T'es malade, mon gars. C'est quoi? Tu as le Zika. Qu'est-ce qui t'arrive, mec? La grippe? Ouais, je parle n'importe comment. Le mec, il a mis la petite capuche, tu sais, de son gilet, tu sais, on dirait trop Kenny dans South Park, tu sais. Je connais même pas la scène. C'est con, putain, ouais, c'est chaud. Là. Bref, on est là, dans un petit instant, il y a du sexe confessionnal, et puis il y a aussi un petit truc qui a buzzé sur le web, sur lequel on a décidé de revenir, parce que mine de rien, ça, alors partage, préciser, hein, parce ça que... partage, ça partage beaucoup les gens. On précise pourquoi? Parce que pour savoir de quoi tu parles. Tu parles du sexe confessionnal? Non, non, non, tu parles du truc qui a buzzé sur le web. Alors, bah, donne-moi les deux trucs qui ont buzzé sur le web. Alors, le premier. Alors, je sais pas c'était quoi le tel, mais moi, je tombe depuis tout à l'heure sur les photos de la fête patronale de Font-Saint-Denis. Mais... Font-Saint-Denis, pour ceux qui connaissent pas, c'est une commune qui est en Martinique, très au nord de la Martinique. Certains disent même qu'elle n'est pas vraiment Martinique. C'est quoi l'histoire? Et il y a la fête patronale le 6 octobre et ils annoncent Rihanna, Kalash, Caris, Booba, Lyrics, Mercenaires, bref, tout un tas d'artistes qui ont peu de chances d'atterrir à Font-Saint-Denis, mais... DJ Matt. Et DJ Mathias. DJ Mathias sera là. Alors, les gens se demandent si c'est une blague. Mais c'est frère. Le flyer est tellement laid. Alors, c'est la fête communale, c'est quand? C'est censé être quand? Le 6 octobre, le samedi 6 octobre. Alors, si t'es en Guadeloupe, il faut que t'imagines que c'est comme si, je sais pas. Font-Saint-Denis, c'est une jolie commune. Oui. Mais c'est vrai que. Mais c'est tout petit, c'est. Ouais, c'est minuscule. Et puis, il n'y a pas d'agglomération autour. C'est, ils sont. Et quoi, tu n'imagines pas que Rihanna puisse envie de. Mais je sais pas. Ou déjà, ou. C'est beau Font-Saint-Denis, mais c'est vert. C'est, tu y vas pour faire du tourisme. Moi, vert. Tu sais comment j'appelle Font-Saint-Denis? J'appelle ça Pandora. Vous vous rappelez de Avatar? C'est-à-dire qu'en fait, tu as l'impression que là-bas vivent, tu sais, ce peuple bleu. Il fait tas de social. Je te vois, Jacques Sully. Tu sais, les gens sont tellement purs et il y a de super belles des beaux endroits. D'ailleurs, voilà, les Omaticaya. Je me demande même si d'ailleurs Font-Saint-Denis n'est pas l'une des premières communes en fait de la Martinique à cultiver du bio, parce que là-bas, il y a tellement pas de pollution, de trucs comme ça. Ils ont, je pense, ils ont plein de comment on appelle les pieds de mandarine, les mandariniers. Oui. Les mandarines. Non, les mandariniers, c'est bien. Oui. Les pieds de mandarine. Les pieds. Les clémentiniers. Non, ça se passe pas non plus. Enfin bref, ils ont plein de mandarines sur le bord de la route, mais en même temps, t'as un des espaces les plus verts qui soient, magnifiques, très beaux et très purs. Et on a du mal à imaginer Rihanna mettre les pieds là, quoi. Caris et Booba, qui sont des ennemis jurés, qui débarquent pour l'occasion. Les deux. Ils ont même mis un mec avec une tête cagoulée, tu sais, sur le criminel. Sur le criminel. Ils avaient pas une vraie photo, et ils ont mis. Mais c'est comme ça qu'il est. C'est comme ça qu'il se présente dans ses clips, etc. Il est toujours cagoulé. D'accord. Voilà. Donc ça peut être n'importe qui sous la cagoule. C'est quand, c'est quand? On va ouvrir la page agenda. C'est quand? Le samedi 6 octobre. Ok, c'est donc samedi. À ne pas manquer. À Font-Saint-Denis. Au cas où, les gars, faut peut-être y aller. À Font-Saint-Denis. Rihanna. Rihanna. Booba. Booba. En featuring avec Caris. Ils vont d'ailleurs partager, depuis très très longtemps qu'ils sont ennemis, ils vont enfin partager de nouveau cette scène. Ça se passera en exclusivité à Font-Saint-Denis, s'il vous plaît. 6 octobre, rendez-vous à partir de quelle heure? À partir de... Ils ont oublié l'heure. C'est toute la journée. Ça commence dès 9h du matin. T'as pas l'heure. Merci à DJ Mathias qui va assurer l'ambiance. DJ Mathias qui aura également l'occasion de baquer tous les artistes qui se présenteront sur scène. Est-ce qu'il y en a des cohérents quand même? Kalash, Wes. Ça... Partage, on sait jamais. Ah ouais, des fois qu'il y a vraiment le bon plan. Rihanna, pour la première fois en Martinique. Pour la première fois dans la Caraïbe francophone, attention. Ouais. À Font-Saint-Denis. Et nulle part ailleurs. Et nulle part ailleurs. L'autre buzz nous emmène un petit peu plus loin dans l'océan Indien. Un pays qui partage un peu notre culture créole, mais qui en même temps est très très éloigné de nous dans un autre océan. Et pourtant, il y a des choses qui nous rapprochent. L'histoire, c'est quoi? On la reprend depuis le départ, s'il te plaît. Explique-nous, Yosh. L'histoire, c'est qu'une mère punit son fils en live Facebook pour avoir volé quelque chose et elle a reçu une lettre d'un tribunal qui invite son fils à comparaître. Ok. Donc elle vient de recevoir le courrier, elle pète un plomb. Pète un plomb et elle oblige son fils à lire la lettre à haute voix devant tout le monde en live Facebook. Ok. Sous la menace d'une ceinture caporale. Sous la menace d'une ceinture caporale. Non mais attends, faut préciser parce que une ceinture, ça peut aller, mais là c'est une ceinture caporale. Il y a des parties en fer sur cette ceinture là. Il y a des petits clous quoi. Vous en pensez quoi ceux qui ont vu la vidéo Keshi, ça t'a rappelé des bons souvenirs, on t'a corrigé un peu comme ça toi. Non. Jamais. On t'a jamais fait ça? Pire que ça. Ah, coup de casserole moi. Je regrette qu'on ait pas d'image parce que la force en fait d'avoir corrigé son fils comme ça, c'est qu'on a des images maintenant. Mais toi, ta mater, elle aurait utilisé les réseaux sociaux par exemple pour non. Elle a jamais fait ça. Non. Jamais. Tout se voyait sur mon corps. C'est parce qu'elle s'est pas utilisée peut-être. Non, c'est que on voyait le résultat sur mon corps. Ok. Tu regardes mes fesses, tu vois le résultat. Et oui, comment on regarde tes fesses? Et comment on voit tes fesses? Tu montes tes fesses à tout le monde? C'est quoi ton truc? Nessie, la plus grosse sanction de tes parents. On vous pose la question aussi derrière la radio parce que mine de rien, c'est un peu humiliant quand même de le faire devant les gens. On me frappait pas trop. Ouais, mais tu mérites hein, quand même. Tu mérites quand même. Non. C'est pour ça qu'elle demande maintenant à ses copains. Maman de Nessie, si tu nous écoutes, quelqu'un termine le travail à ta place. Tout ce que tu n'as pas fait, quelqu'un le fera à ta place. Donc la plus grosse punition de tes parents, c'était quoi? Un truc psychologique. Tu peux pas aller quelque part alors que tu veux y aller, quoi. Moi, ce genre de choses. T'as eu une enfance difficile et tout. Ah ouais, puis surtout vu là où tu habitais, il y avait beaucoup d'événements dans le quartier. Ah ouais, non, mais je suis très ému là parce que c'est un petit bout d'elle qu'elle partage avec nous et c'est chaud, quoi. C'est chaud. Tu voulais qu'on t'achète. Genre, il y a l'anniversaire de Déborah. Tu peux pas y aller. Tu n'iras pas. Oh, de ta copine de l'époque, Brudé, machin, etc. Tu peux pas y aller. Tu peux pas y aller. Oui, c'est vrai. En plus, c'est. Mais oui, ta copine Boudet, mais du coup. Que je trouve magnifique, hein, soi-disant, en passant. Tu veux une paire de chaussures et puis finalement tu l'auras plus tard. Mon Dieu, pas maintenant. À un moment, et c'est même pas tu l'auras pas, c'est tu l'auras plus tard. Oui, à un autre moment, quand elle sera démodée. Et on te faisait faire la vaisselle et tout des fois pour te punir, des trucs comme ça, des corvées. Oui, voilà. Oh putain. C'est dur, hein. Les gars, c'est dur, hein. C'est dur quand on y réfléchit parce que franchement, il y a tellement de gens qui se plaignent de choses et quand on regarde l'enfance de ici, on comprend ce que c'est que véritablement d'avoir été maltraité, d'avoir été. Comment tu as fait pour t'en sortir? Ouais, c'est ça. C'est comment? Comment t'as réussi? Toi? Moi, oui. Ah bon? Maman. C'est pour ça que ton nez comme ça. Laisse-moi te dire. À genoux. Chacun de nous a pris des coups dans le studio. Hugo, tu as jamais pris de coups? Ah oui, j'ai pris deux, c'est volé, moi. Mais c'est tout des volets, jamais de ceinture, jamais de trucs. Des volets, attention, main, ça dépend. Mais la main, ça peut faire mal aussi. Hein. Ouais, la main. C'est quoi comme volet? Ah, ton père, c'est Jackie Chan en fait. Hugo, viens me voir, s'il te plaît. Hugo, t'es quoi ton carnet de correspondance avec des enfances que je n'ai pas signées? Non, Hugo, tu ne pleures pas. Je t'ai appris la dignité lorsqu'il y a la punition. Voici dans ton visage encore. Oh merde. Tu faisais quoi comme connerie toi Hugo? J'ai l'impression que genre des fois tu devais je sais pas piquer dans le frigidaire. Non, une fois où j'ai pris une volée dont je me rappelle vraiment, c'est je me brossais les dents. Ah oui, parce qu'il y a la volée dont tu te rappelles plus du tout. Bah oui, il y en a. Celle qui provoque Alzheimer directement. Le coma. T'avais fait quoi? Non, mais je me brossais les dents. Et puis au moment d'aller cracher, au lieu de cracher dans le lavabo, j'ai pris le verre d'eau et j'ai craché sur une prise électrique en fait. Je voulais voir ce que ça faisait en fait. Et voilà. Ça faisait mal. Ça m'a fait mal, ouais, ça m'a fait mal. Le mec, tu sais, il est en mode il se brosse les dents. Tout est une occasion d'apprendre sur la science. Mais qu'est-ce que ça fait si je crache sur la prise électrique? Qui d'autre a été corrigé? Mais toi, Yannick. Ah, moi, vous doutez bien que moi, j'en ai chié. Moi, je me souviens d'une correction que tu as prise. C'était quoi la correction que j'ai prise? Tout nu. Oui. Non, je vous explique un truc. Oui, parce que Sabri habitait dans le même quartier que moi, sauf que je ne me suis jamais rappelé de ça, en fait. J'ai oublié cette partie-là. Mais moi, une fois, on m'a fait courir tout nu. C'est pas une blague, hein. On m'a fait courir tout nu, si mal, sur un terrain pas municipal, faut pas exagérer les trucs, mais genre, tu sais, il y a des petits terrains où tu joues au foot, un peu perdu. Ma maman m'a regardé, elle m'a dit, tu fais un tour du terrain tout nu. Elle dit, ah ouais, maman. Tu fais un tour du terrain tout nu. J'ai dit non. Et là, ma maman, qui était la femme de Jackie Chan, dans mon visage, j'ai fait un premier tour, mais j'étais en pleurs. J'étais en pleurs. Et je reviens, j'ai dit, je fais pas le deuxième tour. Ma maman n'a pas ouvert la bouche, elle a juste levé la main et elle a redescendu. J'ai fait le deuxième tour. Vient le troisième tour. Tu sais, mais tu commences à. J'ai fait les trois tours. Et apparemment, Sabri était là. Non. Apparemment, Sabri était là. Tu habitais en fait dans la cité juste au-dessus, en fait. Ouais, la cité au-dessus. Le truc qui me traumatisait, en fait, c'était pas tellement de faire le tour du terrain tout nu. Ce qui me traumatisait, c'est qu'il était 9h30 du matin, c'était les vacances, tout le monde est sur le balcon. Donc, probablement Sabri. Et donc. Et plus tu protestes, plus on entend les coups, plus les gens sentent. Je comprends mieux ta vie maintenant. Tu comprends mieux quoi? Tu as voulu devenir animateur radio pour prendre ta revanche. Pourquoi? Pour tous les gens qui t'ont vu ce jour-là. Et ta coiffure, c'est une revanche sur quoi? Connasse, ouais. Moi, une fois, on m'a éclaté un cintre sur le genou. Qui a déjà eu ça? Ah, je te parle du gros cintre en bois. Hein. Le gros cintre en bois, ce pas le cintre. C'était bourreau, vos parents? Non, ma maman seulement. Ma maman, tu vois, saut. Oui. Nous allons jouer un jeu. Ma maman, c'est saut. C'est-à-dire que concrètement, The Origin, c'est The Origin. C'est-à-dire, c'est elle qui a enfanté le mec qui joue dans le saut. Tu vois, le mec qui invente tous les jeux là, je pense que c'est son fils, ça doit être mon frère. Tu vois, le mec. Ma mère, elle avait un chic incroyable pour trouver des punitions, mais monstrueuses. Et moi, comme. Et l'assistante sociale ne venait jamais. Bah, tu vois, mais ça avait pas été vrai, surtout, je pense. Moi je sais pas parce c'est que le succès assistante sociale c'est une légende après, tu les appelles pas en vrai. Ouais et puis sur le coup parce que t'aimes ta maman. Tu l'aimes plus trop sur ce coup là. Non mais la vérité c'est que t'es énervé et t'as envie de faire quelque chose t'as envie mais en fait plus tard, généralement recul, ça se finit par et puis tu t'assois sur ton lit. Et non mais plus tard en fait non moi j'ai fait des trucs hein. Oui, j'ai déjà appelé les flics, j'ai déjà T'as appelé les flics sur ta maman? Oui, j'ai déjà fait ce genre de trucs, mais moi j'étais tu vois dur, en fait, dur, hein, c'est-à-dire dur. Que là, je pense que ouais, j'étais un petit connard aussi, tu vois. C'est-à-dire que ma maman était une grande méchante. Mais je pense qu'on était fait pour se rencontrer, oui. Pour que ça se frictionne, tu vois. Et le coup du cintre, c'est un jour, j'ai répondu à ma mère un truc horrible, dont je me rappelle même plus. Parce que au moment où le cintre s'est explosé sur mon genou. Coma. J'ai eu tellement mal. C'était incroyable. Mais tu sais, ça te met des coups de sang, tu réfléchis plus à ce que tu fais, tu perds le fil, quoi. Vous me regardez genre comme si voilà tout s'explique quoi. Ça fait de la peine. Ah ouais. Ça fait de la peine, mais non. Tu vois, moi j'estime avec le recul que j'ai peut-être un peu mérité 30% de ce que j'ai pris. Il y a 70%, il y avait un peu de plaisir là-dedans. Tu sais, ça me rappelle le sketch de Gad Elmaleh quand il dit, on dit souvent qu'il faut pas frapper les enfants quand on est énervé. Mais à quel moment tu les frappes alors? À quel moment tu trouves l'excuse pour les frapper? Moi, je pense que ma maman elle s'est jamais posé la question. Ma maman s'est jamais posé la question. Elle s'est dit. J'ai envie maintenant, c'est maintenant. Non, et puis tu sais. Yannick, j'ai rien fait, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai qu'il y a des parents non, qui attendent. C'était pas un enfant battu non plus, mais. Mais il y avait centre. Des. Oui. Et puis faire courir un enfant tout nu, c'est cruel. Dans non, les c'est pas bien. C'est parce que tu étais pas là quand tu dis ça. Parce que là, ça les a fait beaucoup rire, hein, les autres. Mais moi, j'avais honte. J'avais super honte. Ouais, en fait, ma maman, c'était. Tu veux la vidéo? Tu sais, je sais pas s'il existe un super héros qui est capable de jouer dans ta tête. Tu vois? Parce qu'il y a des gens, c'est les bras, tu vois. Il y a des papas qui te menacent, par exemple, avec des coups de ceinture, des coups de fouet. Ah, tiens! Et Martinet. Ouais, alors moi j'ai jamais eu ça à la maison. Ma maman n'en a jamais eu besoin. Elle a utilisé les lattes du lit, des trucs comme ça. Mais elle a jamais eu besoin de Martinet. Qui a eu un Martinet à la maison? Non. Tu sais le petit fouet? Non. Hugo ne parle pas. Regardez. Non, regardez, y a une larme au coin de l'œil. Hugo. Non, Hugo, tu as honte, mais partage ce moment avec nous. Non, jamais. Que des calottes, franchement non. Des calottes, visage ou pas visage? Visage, fesses, partout. Partout. Dis, viens prendre une calotte sur ton gogo. Non. Je t'ai déjà dit d'arrêter de le mettre dans la prise électrique. Et toi, Yoshi? Là. Dis rien. Non, moi, c'était la ceinture, mais ça a pas duré très longtemps. C'était encore la semaine dernière, donc. Non, blague à part, ça a pas duré très longtemps, parce qu'en fait, ma mère ne savait pas me taper avec la ceinture, donc elle ne repliait pas la ceinture. Ce qui fait qu'en fait, ça revenait sur elle. D'avoir une maman qui... Alors, tu vois, pareil, j'ai envie de dire la même chose à Keshi. Keshi, il a la chance d'une maman qui ne maîtrisait pas les réseaux sociaux. Toi, t'as la chance d'une maman qui sait pas se servir d'une ceinture. Mais elle sait très bien se servir de la cuillère en bois, par contre. Ah oui. Ah, j'ai pris des coups de cuillère en bois aussi. La cuillère pour les pâtes là ? Ouais. Moi j'en ai cassé quelques-unes. Et puis elle était fâchée en plus. Le mec, tu sais, et puis il te raconte ça, tu sais, genre, je suis. C'est comme ça que je suis devenu Wolverine. On m'a mis des os en adamantium. Le mec là. Et puis tu sais, cette petite fille, t'es mis c'est mal, hein. Tu sais, tu vois, t'entends. Et puis t'entends le truc qui fait. Et puis tu fais. Mais en même temps. Tu prends d'autres parce que tu as cassé le truc. Ah oui. Et c'est parce que tu as résisté, parce que continue tu as mis à te la main. Avec le petit bâton là. Non, bref. Ah là là, des histoires comme ça, il y en a des quantités. Hein. Franchement, honnêtement. Ouais, voilà. Ma maman, c'était une gardienne de prison. Je te jure. Elle avait pas son. Une fois, je sais plus ce que j'ai fait. Mais j'ai pris des pinsommes. Vous voyez les pinsommes? Ouais. Mmh. Je ne referai plus jamais. Voilà, tu dois copier ça 500 fois. Ça sert à rien d'ailleurs. Si, tu maîtrises l'écriture. Hein. Ouais, enfin, t'as surtout mal au poignet. Tu recommences quoi. Le lendemain. Quoi. Et en fait, elle m'a donné cette punition-là. Et ça m'a tellement traumatisé qu'encore la semaine dernière, quand j'ai vu le mec qui a collé les 6 stylos ensemble pour pouvoir écrire 6 lignes en même temps. Je me suis dit, putain, pourquoi j'y ai pas pensé à l'époque? Mais c'est pas le pinceau qui m'a traumatisé, parce que moi, en fait, j'avais, tu vois, j'étais vraiment cireur en même temps, donc je méritais une bonne partie de ce qui m'arrivait. 30%, comme je te dis, hein, le reste. Mais par exemple, j'utilisais la photocopieuse de ma mère et j'avais trouvé un moyen d'altérer, en fait, l'encre de la photocopie. Pour que ça ressemble à quelque chose qui avait bavé et que le stylo avait écrit en fait. Sauf que moi, couillon à l'époque, je me disais de devant ça se voit pas, mais de derrière tu vois pas en fait que la feuille a été creusée. Tu vois ce que je veux te dire, comme si tu avais écrit dessus. Donc je me suis repris par dessus un autre truc. C'est ça, j'étais tout le temps dans la surenchère en fait, en train d'essayer de trouver des solutions. Ça m'étonne d'ailleurs que j'ai pas fini faussaire ou un truc comme ça. Bref, hashtag G97, hashtag Tracé Femme, on a Yann qui est avec nous. Yannou qui dit j'avais 2 martinets. Alors toi tu avais 2 martinets pour la personne. Enfin tu es un papa ou tu es un papa ou tu es quelqu'un qui sur qui on a utilisé 2 martinets. Un enfant qui avait 2 parents, c'est tout. Hashtag G97. Hey Solène, alors, t'as déjà pris des corrections toi ou pas Solène? Jamais. Non, du tout. Tes parents t'ont jamais frappé? Non, mais c'était pas méchant. Je sais plus qui me disait ça, c'est Tikam aussi. Tikam, tes parents t'ont jamais frappé? Non, les punitions sont toujours psychologiques. Ouais, parce que Tikam, la différence, c'est qu'il est encore. On te punit dessert, par exemple, non? Non, c'est juste, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est que la seule baffe que j'ai prise, elle était virtuelle. En fait, j'avais fait une bêtise, j'avais dormi chez une pote. Et j'avais pas prévenu mes parents, du coup au matin ils se sont... Attends, quel âge? J'avais 18 ans, un truc comme ça, mais... Ouais, non mais ils étaient inquiets, c'est normal, frère. Regardez, j'en ai fait. Ok, donc... Mais tu vois, non, mais j'étais vraiment censé rentrer à la maison et tout, donc ils se sont inquiétés, je répondais pas et tout. Donc le matin ils étaient vraiment en vénère et tout. Et j'ai vu mon père arriver quand ils sont venus me chercher, et il m'a regardé, il m'a dit... Je frappe pas, mais là je te donne une baffe virtuelle. Et je te jure. Tu rigoles. Non, mais je te jure que bizarrement j'ai senti comme si on m'avait frappé. Qu'est-ce que tu leur as dit pour qu'ils te frappent pas? Non, je lui ai même pas dit, tu vois, parce que j'étais en larmes. Ils avaient appelé les flics et tout parce qu'ils étaient inquiets, tu vois. Donc j'ai rien dit. Mais je me suis senti. C'était pire que si on t'avait frappé finalement. T'aurais presque, oui. À la limite, tu supplies un peu. Vas-y, demande si tu demandes. S'il te plaît, vas-y. Cogne-moi un peu. On a Loulouche qui dit, elle a connu le manche à balai, le portable anti-choc. Ah oui, le portable anti-choc. Oh là là. Ah oui, ça c'est cruel ça. Ça, le portable anti-choc là, le truc qui traverse la pièce, tout le carton, boc. Et tu peux le ramasser et refaire pareil. Ah, Loulouche, elle a même connu la bassine. Ah, bassine. Des coups de bassine. Ah ouais, non, mais là, c'est la maman qui attrape tout ce qui traîne autour d'elle. Les talons. Hashtag GLM7, hashtag TraceFM, 0820 203 200 également sur le net, www.trace.fm. Tiens, dites-nous aussi, c'est quoi le plus gros souvenir que vous avez, la plus grosse sanction, la plus grosse punition. Et on en profite évidemment pour parler de cette vidéo. Il y a quand même de l'humiliation. Je trouve que ça peut marquer, ça peut donner une leçon, mais en même temps, est-ce que ça va trop loin pour vous? Hashtag GLM7, hashtag TraceFM. C'est une maman réunionnaise qui a décidé de corriger son fils. La vidéo a tourné toute la journée. Ça s'est passé sur live Facebook pour lui donner une vraie leçon. Elle a invité beaucoup de gens à regarder. Il y a des gens que ça choque et il y a des gens qui trouvent que ben on devrait le faire un petit peu plus. Peut-être que l'éducation rentrerait mieux dans les têtes. Quand on parle de beaucoup d'éducation qui manque, qui provoque les problèmes de violence dans notre société et tout, vous en pensez quoi? 0820 203 200, à tout de suite. Génération 97. Génération 97. Le soir. Le soir. Pendant 3 heures. Prends le pouvoir sur Trace FM. UG Official. Music so sensual. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me and up. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me and up. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me and up. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me and up. One in a million. Nobody give me wine like this. Tell me I be one in a billion. Like a bullion. Well, if you give me dance, you go chop deep, deep. Baby girl, I got billions. Oh yeah, give me chance, make you chop deep. I she do the Al-Qaeda. She said the yoke up on fire. We a body big like Bombara. A body big like Bombara. She say she no want no wahala. She no want no wahala. Cause she need a real man like Montana. Oh yeah, shanta, she go give me kind of dance. Baby, I never see. Shocky, shocky, me say Al-Qaeda, baby dancing for me and up. Shocky, shocky, me say Al-Qaeda, baby dancing for me and up. Shocky, shocky, me say Al-Qaeda, baby dancing for me and up. Shocky, shocky, me say Al-Qaeda, baby dancing. On doit se commettre l'irréparable. Depuis que j'ai croisé ton regard, tu es l'objet de mes désirs. C'est vrai que devant toi les hommes chavirent. Mon péché pour toi, je prendrai le risque. Qu'on s'accorde toute la nuit, ah la la. Qu'elle laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi goûter à tes charmes. Mon fruit est fendu, je veux t'aimer, puis t'oublier. Qu'elle est doucement, doucement, doucement, t'arrives à tes fins. Chaque soir tu me hantes par tes caresses et ton parfum. Tu m'as rendu teubé, entêté, aveuglé. Et mon cœur était voilé par tes charmes. Donc il rejette tous tes appels. Toi mon interdit, tu m'attires. Tu sais très bien ma hawa, t'es ma faiblesse. Que chaque jour et nuit, oui mon bébé, tu m'obsèdes. Qu'elle est laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi goûter à tes charmes. Mon fruit défendu, je veux t'aimer, puis t'oublier. Ouais, I woman, I everything. I woman. Making you my soulmate. Get this one straight. Say, are you married? No matter what I'm yet. Rappelle-nous jamais, yeah. C'est qu'on s'en a yeah. Mama ou mama, yeah. Mais après, fait l'enfer qu'elle nous maille. Million dix mélodies pour chawaye. Tous les jours, faut batailler. Dans la vie, faut partager. nager. Ils veulent l'océan mais savent pas nager. Yeah. I need you, I need you. J'comprends même pas pourquoi tu doutes. I need you, I need you. J't'imaginais pas aussi douce. I feel you, I feel you. Tous les soirs tu m'appelleras à ta rescousse. I feel you, I feel you. C'est qu'on sait nous voyons papa à chaque papa. La semaine à nous par contact. Et chaque mana à chaque passe. Problème non détecté. Après nous voyons les contrats. Voyons les contrats. Les vies sont la connectée. Snapchat, Facebook, Insta. Donc c'est pour que ça. A pas même les doigts connectés. Si quelqu'un te veut du mal, dis-moi baby boy. Vibrando, que te gusta, acelero. Génération 97. Génération 97. Guadeloupe, Martinique, Guyane. 100% radio libre. Tous les soirs sur Trace FM. Ouais, ça y est, c'est parti. Tout le monde évoque ses petits souvenirs. Tout le monde est le plus traumatisé de tous. Ah, voilà, on est dans la compétition de c'est moi qui ai le plus souffert dans mon enfance. Non, c'est moi. On a Laurie qui dit coup de ceinture, calotte et sanction psychologique. Putain, ma mère a d'autres enfants. C'est là où on se rend compte que, et tu vois, c'est une époque qui est en train de disparaître parce qu'aujourd'hui quand tu apprends que tu peux pas lever la main sur tes enfants. Enfin, tu peux lever, tu n'as pas le droit de baisser. Ouais, c'est ça, t'as pas le droit de les frapper. Mais ça sert à quoi de faire des enfants alors? Tu peux lui faire croire que tu vas le frapper. Ouais. J'ai un souvenir qui me revient là. Ouais, j'étais vraiment petite et je pense avoir dit à mes parents, vous êtes des méchants parents. Alors ma mère l'insulte a pris... de suprême là. Ouais. Ah ouais. Alors ma mère a pris un sac plastique, ah, elle a mis une brosse à dents, du dentifrice, un savon. Et elle m'a mise, je me suis retrouvée dehors. Va-t'en, Rémi. J'ai commencé à pleurer. Ça a duré 10 minutes et voilà, on m'a fait rentrer. 10 minutes. Ouais, 10 minutes. Ils t'ont mis dehors en fait. Ouais. Et genre, vas-y, fais ta vie. Je me suis retrouvée dans l'allée, dehors quoi, voilà. Putain. Tu aurais pu disparaître pour toujours. Et moi, je suis là en train de me plaindre de coups de cintre. Tout nu. De tourner tout nu autour de... Puis franchement, honnêtement, je me rends pas compte s'il y a des gens qui... Ils se foutent de moi. Ils se foutent de moi, là. On peut pas se foutre de toi. Tu as vécu tant d'atrocités. C'est voilà. C'est-à-dire que concrètement, je me demande, en fait... Tu sais, les gens, les bien-pensants sont toujours en train de dire en Afrique, ça souffre. Dans des pays comme ça souffre. Mais on oublie de regarder à Saint-Claude. Ça peut être pire. Beaucoup pire. Beaucoup plus pire. Bah oui, c'est-à-dire que imagine-toi une jeune fille qui est habituée à avoir tous les soirs un dessert à la vanille et... Le dernier soir, il n'y en a pas. Mais il y a une caresse. C'est un dessert au chocolat. C'est dur. C'est très, très dur. On a Lilou qui nous rejoint du côté du standard. Salut Lilou, comment ça va? Allô, allô. Salut les gars. Ouais, salut. Tu cherches dans ta tête, s'il te plaît, une petite contribution. Non, ça va. Non. Tu cherches un petit peu dans ta tête une petite contribution, toi aussi, un petit souvenir un peu traumatisant d'une sanction ou d'une punition de tes parents. On revient juste après avec toi aussi, avec le sexe confessionnal. Bouge pas, raccroche pas. Tropical et Stonehouse Events présente l'événement le plus attendu de la Caraïbe. L'ex-président d'Haïti Michel Martelly alias Sweet Mickey est de retour avec un live exclusif à Saint-Martin. Un concert historique, un artiste invité, Jade, Oswald et de multiples cadeaux à gagner. Prévente 30 euros, disponible chez bisou.com, 50 euros à l'entrée. Infoline au 06 27 93 70 71. Sweet Mickey en concert. The President is back. Le 22 octobre au Carnival Village de Saint-Martin à partir de 20h avec Hypnotic Gentleman Club, Saint Mace Enterprises, Shippy et Trace Tropical. Trace FM, toute la semaine. de 14h à 16h. Reste scotché à ton poste pour deviner les sons de la prog de Trace. 14h, 16h. C'est quoi ce son? Dès que tu entends le signal, écoute bien le son qui suit. Appelle-nous au 0820 203 200. Dis-nous qui chante et c'est gagné. C'est quoi ce son? T'as deviné? Appelle et repars avec ton kit Trace série limitée t-shirt plus sticker plus pochette mobile étanche pour ton smartphone. Génération 97, le soir, la première libre antenne des Antilles Guyane sur Trace FM et nulle part ailleurs. 0820 203 200. Appel. On est de retour. Trop de narcos. Allô? Ouais. Hello? Ouais. Plata ou plomo? Allô? Lino? C'est Yannick Escobar. Fais gaffe, ça peut être excitant ce genre de voix. Ah merde, c'est vraiment mon dernier but dans la vie de t'exciter, Lilou. Comment ça va? Tellement crédible. Ma foi, très bien. Ouais, bah écoute, plutôt pas mal. Alors avant de basculer dans ton mode sexe confessionnal, on va te demander une petite contribution. Nous allons repartir dans ton enfance et nous allons chercher une punition. Un truc dont tu te rappelles bien, un truc à partager avec les copains. Ah oui. Je vais avoir 14-15 ans, tu vois, et en rentrant, mon père a dû prendre l'odeur de la cigarette sur moi, tu vois. Et il me fait, bon, Amanda, va m'acheter un paquet de cigarettes. Et comme j'avais déjà l'habitude de lui acheter des paquets de cigarettes, je suis allée au bureau de tabac, j'ai acheté un paquet de cigarettes, et je lui ai ramené ça. Il était assis sur la terrasse, je posais ça sur la table, il pousse le paquet vers moi, il me dit, Amanda, fume. Et je le regarde avec un petit temps de réaction. Il me dit, écoute, ne te moque pas de moi, fume. Alors lentement, j'approche ma main du paquet de cigarettes. Je sors une cigarette, je le regarde, j'allume la cigarette et je commence à fumer, tu vois. Ouais. Et je l'ai fumé, mais lentement, cette cigarette-là. J'écrase la cigarette, grand silence. Il repousse un peu plus le paquet de cigarettes vers moi, il me fait « vas-y, fume ». Donc je rallume une cigarette et je refume. Tu vois, mon père, c'était le genre de personne, tu pouvais pas lui dire non. Et au bout de la 8e cigarette, j'ai commencé à vomir partout. Oh putain, ton père, il est bad. Ton père, il est méga bad, quoi. Putain. Ah ouais, non mais c'est énorme, ça vous choque pas les gars? Non, ah, je trouve ça énorme. Et j'ai pas touché une cigarette jusqu'à l'âge de mes peut-être 21 ans. Ouais, ouais. Du coup ça t'a dégoûté en fait. Pas mal comme technique. Ah oui. Hein. Bien joué, bien joué. Et là, il a fait pareil avec le sexe ou pas? Tiens, voilà Zizi. Ouais, on sent que tu as compensé avec autre chose hein, en fait, on a bien compris. Hein. C'est ça, c'est le système des vases communicants. Les vases. C'est ça. Bref. Ouais. Oh, tu es sale. Ouais, non, mais après, moi, franchement, pour revenir sur cette vidéo du garçon qui se fait... Moi, je trouve que à chaque époque, sa manière de réagir... Je pense que cette maman, elle en a ras le cul. Je pense qu'elle en est pas juste à un coup de sang. Je pense qu'elle en est pas à... Tu vois, le mec, on le voit là comme ça. Il y a plein de gens qui crient, oh mon Dieu, humiliation, le mec va être brisé, ça ne se fait pas, machin, etc. L'humilier devant je les autres. Je trouve que la punition est à hauteur de l'infraction qu'il a faite aussi. Alors, je sais pas si c'est à la hauteur de l'infraction. Je pense que c'est à la hauteur, surtout, de la patience de la maman qui a atteint ses limites. Ça, c'est certain. Qu'à un moment ou un autre, cherche un truc tellement fort pour donner une leçon à jamais. J'ai presque envie de dire. Peut-être qu'elle ne savait plus quoi faire et qu'elle s'est dit, peut-être que ça va marcher, puisque le gars est tellement sur le regard des gens. Peut-être que ça va marcher. Mais moi je sais pas. Alors c'est vrai que nous on les regarde pas forcément on essaye de transposer si ça nous était arrivé à nous. Honnêtement, t'en penses quoi toi Yosh? Bah je sais pas vraiment comment moi j'aurais pu réagir. Mais je pense en fait qu'on devrait pas plutôt blâmer l'enfant. Parce que en tant que parent, je pense que demain matin, si moi je suis pas payé combien pour que mon enfant a volé quelque chose, moi, je vais me sentir humilié parce que ce sera pas conforme avec l'éducation que je lui aurais donnée. Ouais, t'as envie finalement, à un moment ou à un autre, de donner la leçon qui fait qu'on la retient, quoi. Ouais, voilà. Je pense qu'elle en a eu marre de répéter, même peut-être de le taper, qu'elle a cherché une correction. Il y a des gens que ça choque dans le studio. Moi, je trouve que c'est un peu excessif quand même. Ah, mais toi, en même temps, je veux dire, une fois ta maman, une fois ta maman, elle a froncé les sourcils en te regardant, t'as fait oh là là là là là là là, je suis puni. Oh là là là, maman. Non, mais c'est vrai. Ça va un peu loin. Oui, mais regarde, Nessie, peut-être qu'elle a voulu empêcher son enfant de faire des trucs encore plus graves, des trucs irréversibles. Mais tu penses que ça va le stopper? Au contraire, t'as la rage. Quand on te tape comme ça, t'as la rage, t'as envie de tout casser. Moi, je pense qu'il y a les deux écoles. Je pense qu'il y a les deux points de vue. Et que c'est une délinquante, Nessie. Non, mais... grave. Elle a failli fuguer de chez elle parce que ses parents l'ont poussée dehors. Bref, tout ça pour dire que je pense qu'il y a les deux écoles. Il y a les gens qui pensent qu'effectivement une correction, ça peut aider à construire la personnalité. Et puis il y a des gens qui pensent qu'effectivement utiliser la violence ou la rage, ça ne peut que alimenter une violence et une rage qui sera à un moment ou à un autre exprimée complètement différemment et qui restera là avec un goût amer. Ouais, mais tu dis bien sûr, mais en même temps tu comprends, c'est-à-dire que. Mais non, mais tu peux pas crier sur ton enfant pour lui dire d'arrêter de crier, quel message tu lui envoies? Ouais, mais à un moment ou à un autre, alors ça veut dire que quelque part essayer de marquer dans la chair ton enfant en le mettant en live Facebook, en l'humiliant devant les gens, en lui donnant cette leçon-là, peut-être que tu vas trop loin. Peut-être. On verra dans quelques années si ça a marché. Moi, je trouve que c'est vraiment une question d'époque. Je pense qu'à l'intérieur, il y a des irréductibles. Je pense qu'à l'intérieur, il y a des gens qui sont là aussi et qui vont retenir. Je pense pas forcément que l'éducation puisse changer quelqu'un dans le mauvais ou dans le bon. Parce que, enfin, si, je me suis mal exprimé. Au départ, l'éducation, je pense que ça fait quelqu'un d'assez neutre, qui peut basculer d'un côté comme de l'autre. Après, ce sont nos choix. Après, il y a toutes les fréquentations extérieures qui peuvent venir. Et puis nos choix, surtout en définitive, qui feront qu'on bascule d'un côté ou de l'autre. Ok. Maintenant, je pense que tu demandes à plein de gens qui ont été corrigés et corrigés de manière assez sale et parfois un peu méchante. Aujourd'hui, des trucs qui sont plus d'actualité. Ils te disent qu'ils ont survécu et que ça leur a fait du bien. En même temps, aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire ce qu'on faisait avant. Donc forcément, il faut peut-être trouver une forme de justice et de justesse dans l'éducation pour utiliser les mêmes codes qui sont suffisamment importants pour que ça ait de l'impact, en fait, une leçon. Oui, il faut redoubler d'imagination et d'inventivité pour essayer de pallier ce que tu n'as pas le droit de faire et ce que tu as encore le droit de faire. Pas forcément d'imagination, j'aurais dit, mais d'user des moyens qui sont à ta disposition. Par exemple, Keshi, lui, à son époque, sa maman ne savait pas encore utiliser les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on sait faire. Ah non, non, il y a encore plein de parents qui ne savent pas utiliser les réseaux sociaux. Oui, mais t'en as beaucoup moins qu'avant, j'ai envie de dire. Live Facebook, déjà, c'est pas tout. Bah oui, franchement, honnêtement, ça se trouve, elle a été plus loin. La nana a pris le gamin, elle lui a dit « Appuie sur le bouton pour mettre son live. » Et monsieur a eu fait pour moi. Appuie sur le bouton partagé. Ça se trouve, on voit que le jeu psychologique au moment du live Facebook. Mais ça se trouve, ça a commencé bien avant. Mets ton code. Mets ton mot de passe. La réunion est là. La réunion est là, elle te regarde. La réunion te regarde. Mets le live. Jonathan. Mets le live, je te dis. Jonathan. Bref, ça peut commencer bien avant. Tu ferais ça, toi, un peu plus tard, genre, Tikam, punir, genre ta fille est en train de whiner, twerker devant une webcam. Tu utilises la webcam, tu la corriges devant tout le monde, tu fais quoi? Pour le coup, c'est plus ma fille, en fait, je crois. Enfin, j'essaie d'éviter tout contact. J'appelle un faussaire, tout ça, on règle les choses. Tu vois ta fille en train de whiner. Tu lui donnes une nouvelle identité qu'elle redémarre tout en Argentine. Non, une nouvelle identité pour moi. Je crois que... Moi, je me casse. Moi, je quitte le pays. Hashtag G97, hashtag TraceFM, 0820-203-200, Hugo. Ah non, jamais je publie un truc en live comme ça. Les images, elles restent après. Non, je fais pas ça. Tu le prendrais comment, toi, si ton pater faisait ça? Si par exemple ton pater, pour te donner une leçon, il prend une photo de toi avec la palette en train de pleurer et il la met sur Instagram. C'était quoi? C'était calotte, la main levée, la calotte. Tu sais, il prend une photo Instagram et fait hashtag fragile. Non, ou hashtag mauvais garçon. Enfin, pas mauvais garçon, mais je sais pas. En fait, les parents, ils maîtrisent pas bien les hashtags. Donc, on s'en fout. Ils mettraient hashtag je suis un papa. Non, franchement, je sais pas. Papa Escobar. Aucune idée. Tu prendrais pas bien? Non. Je comprends ce que Nessie veut dire quand même quand il y a des gens qui. Mais ces gens-là, dont ça nourrit leur rage, ils ont déjà la rage à l'origine. Moi, je pense que quand ça nourrit ta rage encore plus, c'est que tu as déjà la rage à l'origine. Et il y a déjà un truc qui cloche à l'origine. Parce que, tu vois, on parle souvent dans notre ère, en fait, des serial killers, des gens qui ont subi des sévices dans leur enfance. Et c'est ce qui renforce cette idée qu'effectivement, la calotte ou la punition physique ou la fessée, peuvent amener des gens à devenir violents eux aussi, en fait. Parce que les serial killers, effectivement, ont souvent vécu des trucs psychologiques énormes, des violences physiques énormes, machin, etc. Et ils restituent ça à un moment ou à un autre, en fait, dans leur vie. Oui, mais pour répondre à ce que tu dis, souvent, ce sont des choses qui étaient faites gratuitement. C'était pas dans le cadre où tu as fait une connerie, on te punit. Donc je pense que au bout d'un moment, on a tous une conscience. Donc si je fais une connerie qu'on me punit, je sais que c'est pas parce que j'ai fait une connerie. Ouais, mais à un moment ou à un autre, si ta connerie c'est, je dis une bêtise, mais tu es en vacances, c'est de pas te lever à l'heure que ta maman avait prévu, je sais pas, il y a une proportion quoi, il y a un ratio. C'est clair. En fait, le problème des psychopathes et serial killers, c'est que un abus et un excès ont été faits sur eux dans leur enfance. Du coup, ça a faussé leur perception. Et du coup, ils ont assimilé ça à quelque chose de normal. Oui, mais on parle de violence psychologique à un moment ou à un autre. Oui, d'accord, ok, ton pater voulait pas que tu fumes et t'as fait fumer 8 cigarettes jusqu'à ce que t'en vomisses pour que t'en sois dégoûté. Ok, aujourd'hui, tu le comprends mieux avec le recul. Sur le coup, ça t'a quand même choqué. Qui est déjà resté devant une assiette plus de 8 heures? Ah, moi, j'ai ouais. Fait ça. Moi, c'est, mais moi, des ouais. quantités de fois. Moi, je voulais pas t'as bouffer un truc, je restais 8 heures devant une assiette. Mais je suis sûr que j'ai réussi plus que toi. De quoi? Je dis ça par rapport à la corrompidance qu'on a alors. Ah oui, toi, une ouais, tu as gagné le jeu en fait. Ouais, d'accord, ok, je comprends. Je comprends. Non, mais c'est justement parce que tu du vois, coup. Par exemple, ouais. Avec ce genre de remarques, on comprend que Sabri dans son enfance a souffert d'une humiliation constante qui l'a amené du coup à se sous-estimer et à avoir envie de se bon, raccroche sur la psychologue là, de balle là, s'il te plaît. Là. La meuf elle s'appelle, elle nous fait lie to me là. Ça va pas ou quoi? Calme-toi, on comprend rien du tout. D'ailleurs, parle-nous de toi. Je vais dire, tiens, ton profil de sexopathe. Allez, on en parle. Tu nous parles de quoi ce soir dans le sexe confessionnal? Alors, on va parler de sexe conduite. De sexe, pardon? Conduite. Conduite. Ok. Faut que tu nous expliques, hein, quand même. Hein. Tu veux pas coucher les Tchitchan d'abord? Ah, les Tchitchan? Oli! Les mini-justiciers? Oli! C'est bon, ils sont couchés, à toi. Oui, oui, please, Oli. Alors, c'est quoi sexe conduite? Alors, on va parler des classiques. Tu vois, la petite fellation fait au conducteur pendant qu'il conduit, c'est excitant, c'est intime. En même temps, il y a le risque de se faire prendre, etc. Et de la même manière, quand c'est madame qui conduit et qu'une main se glisse dans son entrejambe, ça peut être bien, mais si monsieur n'est pas très doué de sa main gauche et qu'il le fait de la main droite, ça peut être problématique pour passer les vitesses. Non, mais au-delà de ça, de passer les vitesses à un moment ou à un autre, moi, je reste persuadé qu'il y a déjà des accidents qui sont arrivés, des accidents graves. Ah, j'en suis persuadé aussi. Donc, faut moi, gérer le truc, quoi. Qu'au bout d'un moment, quand l'envie... Quand ouais. l'envie devient trop pressante, eh ben c'est comme une envie de jouer, t'es obligé de t'arrêter sur le bord de la route ou bien sur un parking. Ah non, moi ça m'arrive pas, on je peux d'accord. me retenir jusqu'au bout. Ça gratte. C'est que tu n'es pas tombé sur la bonne copilote. Ouais, bien c'est sûr. Tout. Non, moi je suis pour le jeu, je suis d'accord. Mais à un moment ou à un autre, franchement, honnêtement... Ça peut dégénérer, bien sûr. Moi je pense que je suis incapable de conduire. Par contre, j'ai déjà fait ça pendant que j'étais à la radio. Pendant que j'étais en train d'animer l'émission. Et la meuf, elle était presque déçue parce que limite, tu vois, ça se ressentait jamais, en fait, dans... Tu parles à l'antenne, tu sais, et puis pff, il se passe rien, tu sais, personne ne sait, en fait. Un peu comme toi, Lilou, quand tu nous donnais tes conseils juridiques. Il est là ce soir, Monsieur K, ou pas? Il est là ou pas? Monsieur K est à moitié inconscient, en train d'écouter à l'antenne. D'accord. Oh, à moitié inconscient, mais ouais. Elle a vidé de tout son mojo. Peut-être pas forcément vidé de son mojo. Elle est peut-être. Vous pouvez lui dire bonsoir, peut-être que ça va non, le. Non, mais il va pas pouvoir nous répondre. Il va nous faire. On sait très bien que tu assises sur son visage. Mais non, il a pas encore la bouche pleine. Oui, non, pour revenir à la sexe-conduite, ce qui peut être dangereux par contre pour mademoiselle, c'est lorsqu'on s'arrête pour l'envie pressante, dont on a parlé précédemment, c'est que il n'y a pas beaucoup de positions possibles dans une voiture. Ok? Donc c'est souvent mademoiselle qui est au-dessus. Et quand elle est au-dessus face à monsieur, ses genoux frottent, tu vois, sur le siège de passager ou conducteur. Et ce n'est vraiment pas pratique parce que le tissu n'est pas adapté et du coup au bout d'un moment ça fait des brûlures. Tu veux qu'on fasse remonter l'information au constructeur? Ouais, éventuellement. Choisissez bien vos sièges. Franchement oui. Alors, voilà. Tu recommandes, elle recommande le cuir ou pas? J'ai pas compris au final. Alors. En fait, mais même sur les standards, sur les fauteuils standards qui sont en tissu, en fait, le tissu est épais, tu vois. Ouais. Un peu comme un tissu de jean. Donc, quand tu fais les va-et-vient avec le frottement, ouais. avec les genoux, évitez et ben, le ça fait des crevasses comme des brûlures. Ok, voilà. Donc plutôt le cuir, plutôt opter sur le cuir sur votre plutôt nouvelle le voiture. Cuir. Ok, ça voilà. marche. Après, on a la version de on sort un petit peu de la voiture, mais on continue d'utiliser la voiture comme accessoire. C'est-à-dire qu'on a le traditionnel capot, n'est-ce pas? Ouais. Mais je conseille d'avoir arrêté le moteur depuis un certain temps, sinon il y aura des problèmes. Oui. Sinon, ça s'appelle le rodéo. Apprendre à la version, voilà, apprendre à la version debout, madame de dos, monsieur qui vient derrière, et madame se tient au-dessus de l'habitacle. Alors, ça, c'est bien. L'habitacle. Ça, c'est bien parce qu'on a la version de l'habitacle. Ah, ah. Je vois pas exactement. Non, moi non plus, j'ai pas compris. Je le présenterai. Non mais non. On a passé le stade de la blague. C'est des, non, tu es la, enfin, tu es. Tu t'appuies dans l'encadrure en fait de la fenêtre, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok, et le mec est derrière. Voilà. Okay. Et il est en mode. Là, c'est mieux. Par contre. Ah non, c'est pas super agréable pour le dos. Attends, tu rigoles ou quoi? T'es plaqué contre le plafond à moins d'avoir une décapotable. Non, mais non, dehors, tu te penches un petit peu. Madame se penche un petit peu. À l'extérieur de la bagnole. Ok, à l'extérieur de la bagnole. À l'extérieur. Ok. Oui, bah, c'est pour ça que je dis qu'il faut un endroit isolé. En appuyé à genoux sur le fauteuil aussi, ça le fait. Hein. Avec le mec à l'extérieur, oui, la aussi. Nana. Ouais, okay, ouais. Ok. Voilà. Ouais. Bon, le seul problème qu'on court, c'est que si on est sur un parking, la plupart des parkings aujourd'hui ont des caméras de surveillance. On peut retrouver une sextape sur YouTube devant. Ouais, non mais toi on sait que t'as des sextapes partout ma chérie. on sait. Un jour ça va péter. Pourquoi tu crois que la meuf elle vient avec le visage masqué à la radio? Je dis ça, je dis rien. Même nous on n'a jamais vu son visage en vrai. Bref, quoi d'autre? Et vous alors, vos meilleures expériences dans une voiture et les pires? Ou les plus drôles? Bon, moi j'ai fait dans une mini une Vas-y, fois. J'en avais, non mais j'en avais déjà parlé, mais j'ai fait dans une mini. Attends, la mini dans laquelle je suis montée une fois. C'était pas toi. Arrêtez-le. J'étais assis quand même. Non, c'était pas celle-là, c'était celle d'avant, c'était la trois portes. C'était pire, c'était avec les sièges rabattables. Il y avait même pas de comment ça s'appelle, de porte à l'arrière. Et en fait, c'est j'ai penché les deux sièges vers l'avant. J'ai mis mes pieds sous les sièges, en fait, de chaque côté, et la nana était appuyée sur la petite banquette qui est un peu renforcée au niveau du milieu. Pas mal. Sinon, j'ai fait aussi le coup du fauteuil, la nana à genoux sur le fauteuil et moi à l'extérieur avec juste la porte. Tu sais, c'est des portes. Comment on appelle ça, les portes, tu sais, où il n'y a pas d'encadrure de fenêtre? C'est les portes de voiture coupées, tu vois, par exemple. Ouais. Sur la mini, c'est comme ça. Oui, quand tu ouvres la porte, voilà, t'as que la porte, en fait. T'as pas un cadre de la fenêtre. Ok. C'était très sympa. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est monsieur assis sur le fauteuil passager et tu t'assois sur lui. Dos à dos. Ah, ça, il faut enfin, une putain de grande bagnole, quand même. Hein. Ça marche pas. Ouais, ou alors bien reculer le siège sur une commerciale, ça marche aussi. La meuf, tu sais, mais quel genre de meuf c'est? À l'arrière de commercial dans quoi? Ça dépend. Il ne saura jamais. C'est une vraie expérience. Hugo, dans la bagnole. Bon, j'avais déjà dit sur la banquette arrière de ma Clio. C'est tout. Nessie. Ouais, banquette arrière aussi. Hein. Mais bon, ça n'a rien de transcendant. Ça reste du classique et après c'est pas très pratique. Ouais, Nessie elle est plutôt dans le mode confort là. Ouais, tu vois. Le lit, parce qu'elle aime que ça dure longtemps, elle est un peu moins quickly, tu vois. Ouais. Alors que c'est vrai que la force de faire l'amour dans ces endroits un petit peu pas forcément confortables, c'est l'aspect qui ressort, c'est que franchement honnêtement, pas sûr que les deux prennent du plaisir, ou alors le plaisir n'arrive pas forcément à son terme, c'est le plaisir de la situation, le plaisir du côté un peu instantané. Hein? De l'interdit également. Ouais. Enfin, interdit dans ta bagnole, c'est vrai que tu risques une amende, mais interdit dans ta bagnole, t'as pas l'impression. Franchement, tu sais, honnêtement, que pour une fellation au volant, tu risques 90 euros d'amende et 4 points de retrait. Combien? 4 points de retrait? Ouais, mais 90 euros, ça va. Ça. Et par contre, tu peux éviter le retrait, hein, en restant dans la bouche. Bref, on a fait le tour, Pamis. Oui, plus ou moins. Okay. Après, je vous laisse imaginer sur le chemin du retour. Pourquoi t'es en bagnole, là? Non, mais vous allez bien rentrer à un moment donné à la maison. Ouais, mais on va pas rentrer dans la même voiture. Je veux te dire, honnêtement, je sais pas si t'imagines la scène, quoi. C'est pour... ouais, c'est bizarre, quoi. C'est genre, bon, bah, j'ai une petite 4 places qui monte avec moi. Vous bousculez pas, hein, surtout. Non, hein. Ça ira. Tu m'as pas demandé, moi, mes expériences avec les voitures. Alors, c'est quoi tes expériences avec les bagnoles? Pardon, excuse-moi, chaton, c'est quoi tes expériences avec les voitures? Eh ben, c'était avec une Porsche 911. Waouh. Elle était noire. Il a violé l'échappement. Non. C'était quoi? Ah, c'est toi le gars sur la vidéo. J'ai internet. Perdu le contact, je l'ai jamais retrouvé. Oh. T'as couché avec une bagnole. C'est pas Keshi à l'époque qu'on soupçonnait de faire ça. À une époque, t'avais une voiture que t'aimais tellement, c'était quoi? C'était une Seat Ibiza. Non, c'était ma voiture, mais j'étais pas fan de cette voiture. Bah, tu l'aimais bien. Mais des fois, on te soupçonnait de faire des trucs sexuels avec ta bagnole, non? Non, mais si je fais des trucs, c'est pas dans la mienne. C'est dans la voiture que parfois un animateur te laisse à garder quand il part en voyage. T'as baisé dans ma Léone? Non, j'étais encore puceau. T'as baisé dans ma Mini? Ouais. Non. Si. Ah. Alors, explique-moi. C'était un jour où tu me l'avais prêté pour la nettoyer. Ouais. Donc je me suis dit, bon, bah après un nettoyage. T'es sûr que tu veux. Tu l'as fait après le nettoyage, ça c'est. Ah non, c'est naze. Ah non, t'as fait ça. Fais ça un peu après le nettoyage. Fais ça avant. Bah oui, la voiture est propre. Tu as de toi dans la voiture à Yannick, c'est ça? La voiture est étroite, elle est propre, donc autant profiter. Et j'ai fait ça pas loin du studio. Ouh! Tu sais qu'il va plus jamais te prêter sa voiture. Si. Il risque rien, la preuve, la voiture en bonne état. Si tu vas prêter ta voiture, il faut que tu me rappelles cet épisode-là. J'ai pas entendu. Je ne te prêterai jamais ma voiture parce que je me rappellerai de cet épisode-là. Bah non, mais de toute façon, t'as ces deux. Non, mais attends. Alors... Elle est très bien, ma piscine, ok? Elle est pratique. Ouais, écoute, tant mieux. Sexuellement parlant. Peut-être que ça intéresse pas certaines personnes. Faut l'accepter aussi, madame. Votre voiture ne nous excite pas. Maintenant, faut nous laisser, ok? Ah, attends, le jour où je trouve une voiture excitante, je me dis que j'ai un problème. Oui, non, mais elle tourne autour du pot, hein, quand même. Hein. C'est une question de. Enfin, bref, vous. Je sais même pas pourquoi je discute avec elle. Non, l'idée, c'est de comprendre, c'est que de toute façon, moi, ça me gêne même pas, en fait, que tu l'aies fait dans la voiture. Après, non. Et tu me la prêtes quand? Non. Alors par contre, il y a des limites, tu vois, à ce que peut accepter quelqu'un. Attends, je n'ai jamais écrasé de voiture, lui oui. Oui, la mienne. Tu devrais me prêter ta voiture. En même temps, ta voiture est carrossée, oui. Là. Et puis moi, juste pour information, c'est pas tellement le fait qu'on écrase à l'extérieur, c'est le fait qu'on écrase à l'intérieur qui me gêne pas. Tu vois, donc non. Par contre, conduire, franchement, honnêtement, si tu me dis ouais, genre j'ai envie de faire l'amour avec mon copain dans ta voiture, ok, je te prête ma bagnole. Par contre, je prends les clés parce que. Honnêtement, tu peux faire ce que tu veux, la salir, machin, etc. Par contre, je te laisse pas conduire ici. Parce que encore aujourd'hui, de toute façon, il y a environ quoi? Une trentaine de bagnoles qui sont garées en bas de la radio, là, machin, etc. La voiture qui sort du lot dans son créneau, c'est celle de Nessie. Elle ne sait toujours pas faire un créneau. C'est-à-dire que la bagnole qui est de travers, qui est garée en épi, là où c'est une place droite, c'est la voiture de Nessie. Je suis désolé, Nessie. Mais j'ai fait vite. C'est pas faux. Ouais, non, mais tu fais vite tout le temps. Et c'est dangereux, quoi. On a fait le tour, les amis, ou pas? Oui. Bon, ben, on va se retrouver demain, même en même antenne, ici, même sur Trace FM. On va vous souhaiter de passer une excellente soirée. Demain, on reçoit les candidates à Miss Martinique, du côté de Mada. 0820 203 200 pour découvrir, elles sont 10 je crois cette année. Rappelez-vous, l'année dernière on avait pas mal suivi aussi avec l'élection de Morgan Edwige qui avait fait une super prestation, et en même temps beaucoup aussi la polémique à l'élection de Miss France. Elles sont 10 nouvelles candidates, 10 nouveaux visages, 10 nouvelles nanas, et on attend vos avis pour mieux les connaître, pour mieux les rencontrer. Demain soir on reçoit 4 des nouvelles candidates, et ça se passera en Martinique. Et la semaine d'après, lorsqu'on sera de retour, en fait, on recevra les autres candidates. L'élection, c'est le 14 octobre. Ça se passe le 14 octobre prochain, donc on aura encore un petit peu de temps pour choisir sa candidate préférée. Passez une bonne soirée tout le monde. Ciao, bye bye. Bye bye. I'm sorry. Mister SM, en sonnerie exclusive sur ton phone. C'est maintenant et c'est direct sur ton mobile. Envoie Mister par SMS au 98000 et télécharge la sonnerie, l'alerte SMS ou le réveil. Mister au 98000, service édité par Access Interactive. 1,50€ plus coût du SMS, 2 SMS max. Écoute. La première fois que tu l'as entendu, c'était sur Trace FM. Vibes Cartel, Fever. Tous les jours, tous les jours. tiré depuis le départ. Qu'a senti moins bien aller tous les jours en vérité, wow. Y'a l'ou qui aille là où v'aille. Ou bras qui kè en moi, elle veut ou mettre sentiment en otage. Y'a l'ou c'est en belle jeune femme. En fait pas ou rété seul. Pas qu'il fait tout pour ses temps, moi. En fois c'est là qui rété d'ailleurs. Et nous qui flexons, qui paie des mounes. Et qui a dansé en qu'a senti moins bien. Qui pour aller sans retour. En nous partis sans garder d'ailleurs. En savant jour qui est en moi. C'est moins fort pour pas faire rien. En vérité, en pas changer. En toujours le même. Belle jeune femme, belle jeune femme, en voyant tout genre. Si nous qu'est-ce pour on life, passons le tout. Tous les jours, pour ça sans dire jamais vers tous les jours. Quoi que t'as là, chérie, ou tout ce qu'on fait, avait senti l'odeur, ou manier, ou écouter. Ou tout le monde fier, mais même si tu veux dégaler sans ta tête avant qu'elle chute. Même ou à tout en fait, il pas du biblion qui ou gala veut être tout près. Ou non, j'ai lu ces belles jeunes femmes, belles jeunes femmes en vrai tout genre. Si nous qu'est-ce pour on life, passons le tous les jours, pouvez ça sans dire jamais vers tous les jours, tous les jours, pouvez ça sans dire jamais vers baby. Visit my world, it is tree, shining stars. Our love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than the lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. Visit my world, it has three shining stars. Our love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than the lonely days. It's our time to go. With me one more time. One more time. You and me is more than 100 miles. me one more time. Turn it up. Sur les hits. Yo, DJ Kane, ouais, t'as là. T'as la son spécial dédicace, bat tous les Caribbean girls qui se placent là. Femmes qui s'awaïnent et se sont à basse là. Admirable, si y'a plus les là. Clean me pas easy. Tell them only they come, she not talk physique, yeah. The way she whine, she a mash up me head. It can be a so bad, it go unfeasy. Hey, you pay fell on tout sens multifunction, girl. Speak more about an option, girl. She ride it slow, most of it a action time. Il est mode of into champion, boy, yeah. Girl, mon rêve est au fly, oh, yeah. Passe à tous les mots, j'en voyant tout, oh, yeah. No, girl, mais n'a relève, you know, yeah. Fast tonight, mon rêve est au fly. Moi que faire fly, yeah. Mon trou sans me capable. J'en la coca, rime rien, ça remarquable. Comme mes maltais, ou pas faire moi péter yon cap. C'est pas taille mannequin, nos frangins. Fonny permis poil loup, vous pouvez faire planer, consensuel. Vous pouvez faire planer, consensuel. Parce qu'il y a l'autre bas, l'autre wicked. Comme un maillot, beau chat, sans fumer weed. Caribbean girl, I need. Baby, moi que faire fly. Baby, moi que faire fly. Fais on passer un bout de taille. La nuit la caille long, faut savoir la nuit la caille long. Girl, mon rêve est au fly, ouais. Passe à tous les mots, j'en vois un tourner. No, girl, mais n'a relève, y'en a, ouais. Passe tonight, mon rêve est au fly. Caribbean, girl, them. We love them, we love them. We love them, we love them. What's in this, girl, them. We love them, we love them. We love them, we love them. Don't tell them, say we love Guyanese, girl. Don't tell them, say we love Martinique, girl. Go tell them say we love Prada girl, Caribbean girl, you know say you are number one. Go tell them say we love Guyanese girl. Go tell them say we love Martinique girl. Go tell them say we love Prada girl, Caribbean girl, you know say you are number one. Girl, you are the number one, et tu trop bada. Qui a Guyana, madame ou bada. Savez y'a pas blanc, my girl, pas couillonada. When you whine it, me love you bada. Girl, you devais tout fly away. Passe à tous les mots, j'en vois. Tonight, mon rêve est au fly. Caribbean girl, them. We love them, we love them. We love them, we love them. West Indies girl, them. We love them, we love them. We love them, we love them, yeah. Admiralty, let's not DJ Ken. This a pretty girl, them. This a girl is on them. She no go mind. Boy, would you give me some? She wanna bounce, To the naira and the dollar and the pounds. Sima, see, she said she wanna bounce. To the naira and the dollar and the pounds. Sima, this girl they use me ton ton because I like a picky bum bum. This girl they use me ton ton. She said she wanna give me some. These girls they never trouble no one, 'cause if you trouble these girls, pop it. Shorty gave me, then she called me red-handed, sleeping with a girl next door. And when she see me, she says she no go mind. Boy, would you give me some? Give me some more. Shorty gave me, then she called me red-handed, sleeping with a girl next door. And when she came, she says she no go mind. Boy, would you give me some? Give me some. So we start to bam bam banana bam banana banana bam bam banana bam banana bam bam bam banana bam banana banana bam bam banana bam banana bam. Banana pam pam banana pam pam banana pam pam pam pam pam banana pam pam banana pam pam banana pam pam. Shorty wanna rock, shorty wanna catch up, make you give me back shot. Shorty wanna rock, shorty wanna catch up, make you give me back a yacht. Shorty gave me, then she call me red and is sleeping with a girl next door. And when she see me, she say she no go man. Boy, would you give me some? Give me some more. Shorty gave me, then she call me red and is sleeping with a girl next door. And when she came, she say she no go man. Boy, would you give me some? Give me some more. FM, premier sur les hits. Trace FM. Right. Oh, wallet. Yeah. Who kiss me? No. You made that music. See a couple years. Now got pussy better than a mother, though. Better than a mother, though. She got her own. She don't need no tickets. She get it, yeah, she got it. So you know I had to get her. She my NYPYT. She my NYPYT. She my NYPYT. She my pretty young thing, and I do anything for her. I love you, ay, pretty young thing. You need some love, from a real one. I wanna love you, pretty young thing. You need some love, and I'm a real one. Say, hold up, what's up, what it do? I ain't tryna do too much, but come through. Cartier frames too much, but it's cool. The only thing strange, they won't get off you. Tell you wanna ride up, well I got a ticket. And later we can hide out. Try and get a missing. Now I'm all up in your mind cool. Now this how I get you, but you can't figure mine out. See, I'm quite different. A James Bond with a Saint Laurent fetch. And thank God I never had a baby mother either. Snapchat shorty, flash that for me. Clap back, that's not for you. Give her 50 feet, fell in love in the week. She penetrating my mind, I penetrate that physique. I would delete, digging the chemistry. No limit to me and she. Give me a kiss on the cheek. Pretty a couple, bag, couple, couple years younger, but she better than a mother though. Better than a mother though. She got her own, she don't need no tickets. She get it, yeah, she got it, so you know I had to get her. She my NYPYT. She my NYPYT. She my NYPYT. She my pretty young thing, and I do anything for her. I love you. Pretty young thing. From a real one, I wanna love you. Pretty young thing, you need some love. And I'm a real one. That's my scenario. Hold it, set down. Supposed to get the crown. Pretty young girl. Toast for you and I. You. I just wanna see you shine. Yeah. And a ticket that comes with good planning and channeling your ambition. I know this fact that properly seem efficient. He used to move keys, he call it a little different. Another one, work, another one, woo. Another one. She put it down on me, I put them numbers up. Back, all out of jump. She's 21, okay, she old enough to drink. My gotta be my lunch. Stay low on pill with her eye. Coachella chill with her eye. Got colorful lyrics, we twinning. 'Cause every other color collie come out when I get a couple, couple years younger, but she better than a mother though. Better than a mother though. She got her own, she don't need no tickets. She get it, yeah, she got it, so you know I had to get her.